Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième podcast Outsider. Donc aujourd'hui, podcast consacré au game design de jeux de rôle, sur un thème assez vaste, un thème qui me passionne tout particulièrement, qui j'espère vous passionnera aussi, c'est l'onirisme, les drogues et les réalités virtuelles en jeu de rôle. Donc comment on va utiliser ces éléments pour écrire des jeux de rôle, pour écrire des scénarios, et puis ce sera aussi l'occasion un petit peu de parfaire notre culture générale à tous dans ce domaine. Alors avant de présenter nos invités, je vais quand même présenter un peu aux auditeurs le principe des podcasts Outsider, puisque c'est seulement le deuxième, et puis le premier que j'ai lancé, il n'y avait vraiment pas d'annonce. Donc les podcasts Outsiders, c'est des podcasts sur le jeu de rôle et sur la créativité, hein, donc deux domaines qui sont traités sur le blog Outsider. Il y aura trois types de podcasts, hein, les podcasts Magneto qui sont des enregistrements de parties de jeux de rôle. Justement, le premier qui est sorti, c'était un enregistrement d'une partie d'Influenza. Il y aura donc les podcasts Game Design, donc sur l'écriture de jeux de rôle et l'écriture de scénarios. Bon, c'est très directement inspiré des podcasts Garage de la Cellule. Il faut savoir que j'ai participé longtemps au podcast de la Cellule. J'espère que je participerai encore longtemps parce que j'adore ça. Je salue Romaric Briand et son équipe qui m'ont donné le virus. Et donc, dernier podcast, ce sera les podcasts Créativité. Donc là, des podcasts transmédia qui parleront de la créativité dans tous les genres. Bon voilà, donc maintenant on va tous se présenter rapidement. Antoine, si tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs. D'accord, donc je suis Antoine, le plus connu souvent sous le pseudonyme de Kirdin sur les forums ou en jeu de rôle. Je suis auteur sur le supplément des Chroniques des Féals qui vient de sortir, Les Derniers Éons. Et voilà, je participe un petit peu à plein de petits projets dans la petite communauté bretonne du jeu de rôle. Voilà. Ok, super, merci à toi Antoine. Alex, quant à toi, si tu peux te présenter. Alors moi c'est Alexandre, Alex ou Magna Magister pour ceux qui me connaissent sur mon forum ou sur le cercle des rôlistes francophones. Voilà, moi je suis avant tout et surtout MJ depuis environ 27 ans maintenant et collectionneur acharné de jeux de rôle en VO et en VF. Je mène, on va dire, ma petite barque, mon petit groupe de joueurs tous les week-ends avec en moyenne 2 à 3 parties. Et fait donc des comptes rendus de toutes mes parties sur mon forum Tabula Rasa. Voilà. Ok, merci à toi Alex. Et donc pour finir, Romain. Oui, donc Romain, plus connu sous le nom de Corsair PR ou de CPR sur les différents forums, assez actif en ce moment sur, enfin plus trop maintenant sur le forum d'Eclipse Phase. Environ une petite vingtaine d'années à la masterisation, donc sur des jeux de rôle qui se promènent, on va dire, un petit peu sur toute la frise chronologique. Donc Agon, L5A, Deadburn, Shadowrun, Polaris, Eclipse Phase. Et voilà, surtout MJ. Voilà, pas grand-chose à dire de plus. Ok, bon bah super, merci à vous les gars. Je vais me présenter quand même vite fait. Donc moi c'est Thomas Munier, je suis l'auteur du blog Outsider hein, qui parle de jeux de rôle et puis de créativité, enfin, surtout de créativité, on va pas se mentir. Je suis également auteur de jeux de rôle, donc on me voit traîner sur les forums de Terres étranges et les ateliers imaginaires. Je suis auteur notamment de tout l'univers de jeux de rôle Milvaux. Voilà. Et puis je vais pas aussi vous mentir en disant que j'ai un projet de jeu dans les cartons qui devrait traiter justement du thème qu'on va aborder aujourd'hui. Onirisme, drogue, réalité virtuelle. Donc voilà, comment on traite ces thèmes dans les jeux de rôle, en quoi en fait ils sont particulièrement intéressants à traiter en jeu de rôle. Quels sont les poncifs du genre qui existent, quel est l'état de l'art dans ce domaine? Et puis justement, comment on peut retrouver un nouveau souffle, une nouvelle originalité, à traiter ces domaines différemment ou de façon plus pointue, en tout en utilisant bah, déjà tout ce qui existe déjà, parce que c'est quand même ça a été énormément traité hein, par le passé, même si je pense qu'il y a encore moyen de creuser et de trouver des nouvelles choses. Donc ce podcast, comme tous les podcasts game design, il va être présenté en trois parties. Dans la première partie, chacun de nous va présenter un ou plusieurs jeux de rôle en lien au thème. Donc c'est l'état de l'art. Dans la deuxième partie, chacun va présenter un concept lié au thème. Bon, c'est une sorte de sous-thème, hein, si on veut, quoi. Quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur dans le domaine. Et puis la troisième partie, bah, c'est un joyeux bordel où chacun en fait présente sa synthèse personnelle et un petit peu sa liste au Père Noël de ce qu'il voudrait voir abordé dans les futurs jeux de rôle et dans les futurs scénarios sur le thème de l'onirisme, des drogues et des réalités virtuelles. Voilà. Donc là, on va commencer tranquillement cette première partie, hein, le fameux état de l'art. Donc, d'après mes notes, c'est d'abord Romain qui va nous présenter Eclipse Phase. Enfin, plus particulièrement, je suppose, ce qui se rapporte au thème dans Eclipse Phase. Ouais. Alors, quand même, je vais faire une petite présentation en quelques minutes d'Eclipse Phase parce que bon, je pense Ouais, que c'est tu en nécessaire, as bien entendu sûr. parler, mais il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'ont lu. Il est sorti il n'y a pas longtemps. En français, donc toujours juste le livre de base qui est disponible. En anglais, déjà 4-5 suppléments assez fournis chacun. On est sur un univers donc qui est à mi-chemin entre du space opéra et du post-apocalyptique. Donc bon, il y a 10 ans, il y a des espèces de machines qui ont à moitié détruit la Terre. L'humanité donc s'est réfugiée dans les planètes à proximité. La Terre aujourd'hui n'est plus qu'un monde. Ces fameux titans qui ont presque failli éteindre l'humanité ont disparu pour l'instant. Il y a quelques portails de technologies, on va dire extraterrestres disparues qui traînent et qui permettent de faire donc des sauts. On commence à peine dans d'autres univers un peu à la façon de Stargate. Proche du système solaire, donc principalement, on va dire des systèmes corporatistes qui sont présents, plus à l'extérieur, on va dire plutôt des systèmes autonomistes. Parmi les grosses évolutions qui caractérisent l'univers, bon, évidemment, il y a des intelligences artificielles dont le degré de tolérance varie, puisqu'effectivement, on pense que les titans étaient des intelligences artificielles, donc une certaine défiance à l'égard des IA, qui sont, on va dire, déclinées et assez bien décrites dans Eclipse Phase. Ça, c'est l'un des premiers points. Deuxième point, des capacités d'amélioration génétique qui font qu'aujourd'hui, bah, on a amélioré beaucoup d'animaux, donc pour les amener, on va dire, à l'intelligence. Donc on a une nouvelle forme de racisme qui a lieu, là où aujourd'hui, donc on voit avec bon, les noirs, les femmes, les homosexuels, là c'est plus effectivement du racisme qu'on peut avoir contre les animaux. Autre point, un système réputationnel qui s'est mis en place, hein, donc c'est-à-dire que si autant dans les systèmes corporatistes, l'argent prévaut encore pas mal, on va dire dans les petites communautés, vu qu'on est toujours connecté, vu qu'on est dans des petites communautés, un système réputationnel qui se met en place. Donc si jamais on est dans une petite station de 200 personnes, j'arrive, je dis, est-ce que moi je peux avoir un flingue? Tout le monde est capable de se prononcer sur la question puisque tout le monde vous connaît. Dans ces cas-là, est-ce que je peux aller faire fabriquer à la machine avec des nanorobots, me fabriquer mon flingue? Parce que là, Alors pour le coup, justement, j'ai une question à propos du système réputationnel. dis-moi. Comment ça se fait que tout le monde te connaît alors que tu viens d'une autre planète, des choses comme ça? Alors justement, quand tu arrives, quand tu débarques, l'idée c'est effectivement de démarrer avec un système réputationnel qui est plus ou moins à zéro. Et donc l'un des enjeux c'est de le faire grimper avec le temps. Alors bon, ça ouvre certaines questions de relativité ou d'absolu. Néanmoins, quand on arrive à un score, on va dire de 100, normalement personne ne te refuse de rien et tu as accès à tout ce que tu veux. Il faut savoir que les systèmes réputationnels sont déclinés, donc il y a les autonomistes, les corporatistes, les chercheurs. Il y a une petite communauté secrète qui s'appelle Firewall, au sein de laquelle les PJ sont censés évoluer, qui est là, on va dire, pour protéger la transhumanité. Là aussi, il y a un système réputationnel en son sein. Si jamais je veux demander à mon chef de certains dossiers secrets ou certaines ressources particulières, écoute, ben là, nucléaire là-bas, parce que là-bas, c'est trop sale, quoi. Bon, dans ce cas-là, il faut que je fasse preuve de système réputationnel. Qu'est-ce que je veux dire, excuse-moi, je vais reformuler ma question. Ouais. Tu vois, j'essaie de m'accrocher au thème, hein, comme à des branches. Vas-y. C'est-à-dire que Comment ça se fait que les gens ont accès à ta réputation? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux Alors, qui... le Comme système ça. réputationnel est toujours perpétuellement accessible, ouais. C'est-à-dire que vu que les gens sont toujours connectés, bon, on a des Google Voilà, on y Glass, arrive. etc. Dès que je parle à quelqu'un, entre guillemets, à partir du moment où il m'a dit son nom, et même des fois c'est pas nécessaire, j'ai pratiquement accès en parallèle en direct, on va dire, pour des choses terre à terre à son CV et à sa déclaration de revenus, dans l'univers d'EclipseFaZe, on va dire, les faits accomplis, qui est-ce qui connaît, etc., etc. Est-ce qu'on est sur un réseau social un petit peu comme un Facebook du futur où la Ouais, vie c'est privée n'existe pas, quoi? Parce que tu dis que alors tu peux voir cette déclaration d'impôt au mec une fois qu'il te dit son nom. le alors effectivement l'univers pose des questions assez délicates sur à ce niveau-là. Effectivement, le respect de la vie privée d'une communauté à l'autre peut être très très modulable. L'un des exemples particulièrement difficiles pour quand tu le masterises, surtout on va dire dans des parties de l'univers qui sont très très ouvertes, bon, t'as des caméras partout, mais tout le monde peut regarder les caméras, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, déjà t'as plus trop trop de crimes, et donc je peux avoir perpétuellement accès à tout ce que les gens ont fait et ou dit dans le passé. Donc du coup, c'est vrai que dans certaines parties de l'univers, c'est véritablement une transparence obligatoire, ouais. Et c'est Juste pas pour forcément facile à si je pouvais aussi appréhender. ajouter par rapport justement à ce que tu disais pour bien comprendre on va dire les concepts de base d'EclipseFaZe, c'est que surtout faut imaginer que après cette apocalypse qui a obligé l'humanité à quitter la Terre, elle a quitté la Terre avec rien, c'est-à-dire même pas avec leur corps. Et donc les personnages au départ ne sont que une copie numérique d'eux-mêmes dans une banque de données. Et après, en fonction évidemment de ce statut, donc de tout ce système social qui est extrêmement développé, extrêmement riche justement à l'intérieur de l'univers, qui dépend donc de chaque communauté, comme tu viens de le dire, chacun va plus ou moins avoir accès à des biens, à des services, et même, on va dire, à la chose la plus simple, c'est-à-dire à un corps. Alors, Et je voulais tout en justement garder. va partir de là. Je gardais la partie morphe en dernier. Ouais, voilà. Tu Ok, non, non, m'étonnes. D mais. dernière grosse aspect technologique dans EclipseFaZe qui lui est particulier, effectivement, c'est cette capacité de scinder d'un côté le morphe, c'est-à-dire le corps dans lequel tu t'incarnes, et ton caractère proprement dit qu'on appelle l'ego. Tu peux préserver ton ego, t'incarner dans un nouveau morphe, faire des backups. Donc finalement, on va dire ce qui t'est arrivé devient d'autant plus important. Et c'est vrai, comme tu le soulevais, on va dire les pauvres ont accès à des morphes de merde, donc des droïdes pourris. Les riches ont accès à des corps qui sont génétiquement améliorés, qui tombent jamais malades, qui sont beaux, qui ont une mémoire parfaite et qui ont une espérance de vie quasiment éternelle. Est-ce qu'il y a des pauvres qui n'ont pas de morph du tout? Oui, Oui, mais ils n'existent oui, que dans mais le système. Ils ne sont qu'une IA, en fait, d'une certaine manière, qui va servir alors ils peuvent vivre de banque de effectivement à ce données moment-là dans des d'informations. et ils peuvent vivre à ce moment-là dans des réalités virtuelles. Voilà. Justement, ouais, ceux qui ont de la chance, il y en a qui sont en pause et qui Ouais, se sinon n'ont il y en pas a juste qui sont conscience. endormis dans des disques durs, ouais. D'autres, voilà. Ils vivent Et il y en a dans. même en plus qui choisissent, on va dire, volontairement de vivre dans une réalité virtuelle par choix, on va dire, culturel aussi. Oui. Alors, le là-dessus, il y a des statistiques assez troublantes. Enfin, si tu regardes le nombre de gens qui vivent si tu regardes les stades de l'univers, les pourcentages sont assez faibles, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là de pouvoir être un morph uniquement en réalité virtuelle. C'est tout à fait possible, oui. Ouais. Si je peux rajouter une chose aussi par rapport à l'univers d'EclipseFaZe, c'est que pour bien y jouer et y mener encore plus, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un référentiel de notre société. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement différent où la pyramide de Maslow, on est tout en bas. Et enfin, il y a des animaux à pifter, le fait d'avoir un corps, c'est loin d'être assuré. Alors, la vie privée, c'est vraiment pas forcément quelque chose qui est vécu de la même façon qu'on peut nous le vivre en tant qu'humain au XXIe siècle. C'est Ouais, vrai par que contre, le je jeu est crois que très très inverse. différent. Ouais. Ouais. À ce niveau. Antoine, tu dis que le fait même d'avoir un corps, c'est pas garanti, mais par contre, inversement, je suppose qu'il y a certains nantis qui ont accès à un pouvoir immense. Enfin, j'imagine, par Ah, exemple, mais si il y a tu veux même des changer de nantis qui ont morph, leur vrai si tu corps veux changer de d'origine. morph toutes les 5 minutes, Ouais. il y a Alors. grave moyen. Si tu veux avoir une vingtaine de morphs, c'est possible. Oui, Non, mais on en je suis en change train de... selon les besoins. Voilà. Non, et puis c'est surtout, je pense, c'est surtout le backup qui est très très fort. C'est-à-dire que les gens du commun, normalement, sont censés faire un backup mensuel. Donc, mettons, tu le fais le lundi. Le mardi, tu as une aventure. Mercredi, tu meurs. Tu perds ce qui t'est arrivé le mardi. Et Parce que ça, tu c'est reviens en fait, horrible. tu utilises ton backup pour revenir. Voilà. Et du coup, tu reviens avec en ayant perdu une partie de ta mémoire. Inutile de te dire qu'en tant que MJ, c'est juste du bonheur, quoi. Tu peux commencer n'importe quel scénario en disant vous êtes réveillé et ce qui s'est passé le mois dernier, bah vous savez pas, allez les gars, au boulot. Est-ce que tu peux avoir des backups vérolés en fait? Aussi, ah oui, ça c'est. Oui, Tu aussi, peux ouais. même être toi-même vérolé. Oui. C'est C'est-à-dire justement que tu veux. l'intérêt du jeu, c'est qu'il permet justement au niveau scénaristique vraiment d'entrer dans toutes ces dans tous ces problèmes relatifs, on va dire, à la mémoire. Et donc là, on est vraiment totalement dans Total Recall, quoi, dans cet imaginaire justement. Qu'est-ce qui a été réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que le jeu s'intègre aussi bien dans notre sujet. C'est Parce que que par exemple, je sais pas si, mettons, je veux tuer un type important qui est assez difficile à atteindre. Ce que je Oui. vais faire, c'est que je vais buter un certain nombre de Kidam, et en fait, je vais mettre dans leur backup qu'ils se sont fait tuer par le gars que je vise, et du coup, je vais me constituer une armée de types qui veulent se venger Tout à fait. contre Ça, mon ennemi, par exemple. c'est pour ça que du coup, Eclipse Phase, finalement, la bagarre, on va dire, on va dire tout ce qui est humain, n'a pas tellement lieu d'être. Et ça devient effectivement très très souvent uniquement de la négociation autour de la table à la fin du scénario, quoi. Ou alors L'enjeu ça demande des se compétences faisant. vraiment particulières parce qu'il faut voilà, il faut pirater le backup, il faut lui implanter peut-être des envies de vengeance. Enfin, c'est un gros travail alors qu'il suffit on se rend compte que négocier et après se comporter comme des humains est peut-être plus rentable. Ok. Romain, est-ce que tu avais des choses à rajouter en fait sur Eclipse Phase? Non, Oui, non, non. moi, juste pour dire que le jeu vraiment a toute sa richesse justement dans ses problématiques. Et c'est pour ça aussi qu'il est aussi dur à jouer et aussi dur, comment dire, de convaincre des joueurs, je pense, d'y jouer parce que eux, ils ont l'idée, comment dire, d'un personnage souvent de chair et d'os. Et quand on leur dit qu'ils vont jouer justement, on va une intelligence qui a été numérisée. Qui peut changer de corps, comment dire, quasiment à volonté, s'ils en ont la possibilité, en fonction évidemment des missions qu'on va leur demander. Souvent, comment dire, je sais que ça a beaucoup refroidi, et c'est pour ça que c'est un jeu excellent que j'ai rarement pu convaincre en tout cas des joueurs d'y jouer, parce que pour eux c'est trop déroutant, c'est trop justement aux antipodes, on va dire, de ce qu'on a l'habitude de jouer en termes de jeu de rôle. Après, Et tu peux le jouer à un mec qui personnage, tue on a du mal à son morph, hein. On a du mal justement à trouver, comment dire, une forme, à s'identifier, comment dire, au personnage justement. Ça, c'est après un problème qu'on pourra justement aborder par rapport à notre sujet. Et aussi, on a un énorme problème, comment dire, à s'attacher à ce personnage dans la mesure où c'est un peu, voilà, d'une certaine manière, il n'existe pas pour eux. S'il n'est pas fait de chair et d'os, il n'existe pas comme un personnage de jeu de rôle classique. Et là, il y a, comment dire, justement, une évolution peut-être aussi dans notre manière de jouer à intégrer, quoi. Et c'est la fameuse idée justement du transhumanisme Oui, qui, voilà. voilà, C'est qui est derrière effectivement, ça. le jeu de rôle porte bien son nom. C'est un jeu de rôle transhumaniste et c'est vrai que le transhumanisme inclut effectivement et des nouvelles manières de vivre et par conséquent des nouvelles manières de jouer. Mais C'est un peu t'inquiète pas, le enfin, tas de riz, quoi. Si on là-dessus, t'enlève ton corps, est-ce que t'es encore un humain? Si on ouais. t'enlève ta mémoire, est-ce que t'en es encore un? Si C'est on un peu t'enlève. plus que ça parce que si on t'enlève ton corps, tu n'es plus sexué, donc quelque part ton attirance sexuelle envers quelqu'un d'autre n'est pas du tout liée à sa personnalité ou que à sa personnalité du coup. Ton appartenance à un groupe n'est plus liée ni à ta couleur de peau, ni à ce que tu portes, ni à quoi que ce soit. C'est finalement ce qui compte, c'est uniquement ce qu'il y a de plus. La seule chose qui est à peu près constante en toi, ça va être ton ego, et encore, il est piratable. Donc c'est vrai que En quoi tu existes, quoi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui fait toi encore un humain? et ça c'est vraiment ce point-là, et là c'est bien que tu le soulignes très bien, qui est très très troublant, et je pense que les joueurs sont vraiment complètement déboussolés face à telle proposition et tel concept en tout cas. Ok, donc avant de passer au prochain jeu, en fait, je me permettrai de mettre un mot en fait sur les concepts que vous donnez. En fait, je pense que ce qui est intéressant avec Eclipse Phase, comme avec beaucoup de jeux qui traitent le thème des réalités un peu différentes, quoi, les réalités virtuelles, de l'onirisme et compagnie, c'est le vertige logique en fait. C'est qu'on est forcément amené à se poser un tas de questions, et c'est ça, je pense, qui est vraiment le cœur de ces sujets, le vertige logique. Ok. Juste pour finir, je pondérerais ce que Ouais. disaient mes collègues en disant que on peut réussir à trouver son identité dans Eclipse Phase. Et c'est pour ça que j'ai bien parlé du système réputationnel. Parce que là, à ce moment-là, le système réputationnel prend toute son importance. Et c'est comme ça que les joueurs vont garder leur identité. C'est-à-dire Je que, vois. ok, j'ai une très très forte réputation dans les milieux criminels. Eh ben, même si jamais je meurs, je reviens, j'ai toujours ma réputation qui est là. Quelque part, on Les est gens me... défini par notre lien aux autres. Voilà, c'est-à-dire que le regard que me portent les gens est toujours là. Bon, à moins de commencer à prendre des fausses identités, ce qui est aussi possible, et bon, ce qui est rigolo aussi. Mais voilà, c'est comme ça que l'identité se prolonge à travers bon, tout ce que le transhumanisme offre, le fait de changer de corps, le fait de mourir, etc., etc. Voilà, voici. Merci. Ok. Donc ensuite, on va passer à Antoine qui va nous présenter les chroniques des Féals. Alors encore une fois, tout comme Eclipse Phase, il me semble que c'est un jeu avec des thématiques vastes, et donc tu vas surtout nous parler de l'onirisme, il me semble, dans les chroniques des Féals. C'est ça. Donc, ben, je vais m'y prendre un peu comme pour Eclipsas. Je vais présenter l'univers de manière relativement succincte. Donc, les Chroniques des Féals, c'est un jeu de rôle inspiré et basé sur les romans de Mathieu Gaborit, du même nom. Il s'agit d'un univers médiéval fantastique horrifique dans lequel il existe 10 Féals. Ce sont des créatures mythologiques, en tout cas, qui existent bien dans l'univers. Quasi divines, donc les griffons par exemple, sont révérés par leur peuple qui sont les grifféens dans un empire qui est l'empire de Griff et qui obéissent à un certain nombre de préceptes issus du féal, le griffon. Voilà, pour résumer, donc il y a 10 féals avec autant de peuples et autant de philosophies, autant de valeurs différentes. Cet univers-là est menacé par une entité qu'on va nommer maléfique, mais elle n'est pas maléfique au sens où elle fait systématiquement le mal. Elle s'appelle le néant, et le néant, en fait, agit par la destruction, la corruption, en tout cas le fait d'annihiler peu à peu l'univers, et ce sera au PJ, en fait, de lutter un petit peu contre cette entité-là. Ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement au niveau de l'onirisme, c'est que le monde a été, enfin, il y a deux, le monde est créé par une entité qu'on appelle la source, qui est la source de toute chose possible, de toute existence, qui est opposée du coup au néant qui cherche constamment à la détruire. Et cette source, en fait, au niveau du monde où jouent les personnages, créer une espèce de monde parallèle qui s'appelle Nosgoth, qui est une espèce de monde parallèle de l'inconscient collectif, de l'ensemble des possibles qui correspond à ce qui se passe dans le vrai monde. Dans cet espace onirique qui est à la fois réel et à la fois immatériel, il y a l'équivalent de chaque être humain, de chaque individu, de chaque chose et de l'ensemble de ses possibles. Et dans ces univers-là, il y a encore l'espace mental de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, si ton personnage c'est un grifféen dans la ville d'Adaranche, eh bien il a un reflet dans Nosgoth, et dans ce reflet-là, il y a tout un univers correspond à l'espèce d'inconscient de cette personne-là, de tous les visages qu'il a vus, de tout ce qu'il peut avoir rêvé. Et il est possible de passer de l'un à l'autre pour pouvoir agir et interagir, notamment entrer dans les rêves. Pour agir sur cette personne. Enfin, la vraie arme que peuvent avoir les personnages contre le néant, justement, c'est de s'allier dans ce qu'on appelle une fratrie dans le jeu, c'est-à-dire créer un groupe qui a souffert ensemble d'une même attaque du néant, d'une attaque proche. Et donc, le fait qu'ils aient le même traumatisme, qu'on appelle le trauma dans le jeu, fait que leur espace mental, au lieu d'être individuel, il est partagé. C'est-à-dire quand ils sont ensemble, ils peuvent se concentrer, une espèce de rituel, et se retrouver dans un espace onirique, dans une espèce de rêve partagé, qui est très structuré. Il y a, dans le supplément qui vient de sortir, il y a les règles justement pour poser la structure de ce qu'on appelle l'enclave. Ça s'appelle l'enclave. Et cette structure-là, elle est composée un petit peu de l'imaginaire de chaque personnage, tout en respectant certaines règles fixes, qui est d'avoir le gouffre, là où ils vont pouvoir enfermer les éléments du néant, le veilleur, une espèce d'entité qui garde les lieux et qui est un peu l'identité du groupe, la muraille qui va protéger l'enclave, et du coup les personnages qui vont venir vivre là quand ils en ont besoin ou venir partager leurs aventures à cet endroit-là. Oui, aussi. Est-ce que ça rejoint un petit peu les sanctuaires dans Agon? Il y a quelque chose de proche, de proche, mais il n'y a pas la notion de gestion D'accord. qu'il peut y avoir. C'est vraiment quelque chose de plus immatériel, peut-être de plus illusoire aussi, justement. Et en quoi c'est un refuge justement? Est-ce que tu peux te réfugier physiquement dans cette enclave? À quoi elle sert exactement au PJ? Alors, il est possible de s'y réfugier physiquement, ou de s'y réfugier juste mentalement. Il est surtout possible, en fait, d'y attirer les ennemis, les adversaires de type néantique, qui appartiennent au néant, pour les y enfermer, en fait. C'est comme accepter de prendre le mal et de le renfermer dans son propre inconscient, parce qu'il y a que nous qui pouvons le retenir, en fait. Donc, c'est vraiment plus comme... C'est un endroit où se réfugier, mais c'est aussi une arme, en fait. Voilà, c'est une arme, justement. Et Oui, c'est oui. ça qui est la clé, en fait, du combat, de la fratrie, qui se rassemble donc autour de cette même Autour de blessure, ça, c'est ça. de ce même trauma, et qui Oui. va ainsi pouvoir, justement, comme enfermer un mauvais rêve, d'une certaine manière, Tout à qui est là fait. pour détruire le monde, à l'intérieur, donc, de leur espace mental. C'est une forme de sacrifice aussi, parce que Oui, pour avoir parce que créé ce que... cet espace mental, il a fallu qu'ils soient blessés eux-mêmes par le néant. Et Voilà. donc ils acceptent cette blessure, ils souffrent intérieurement, et c'est donc vivre en plus cette souffrance en termes de roleplay, c'est vraiment très intéressant. Et ils arrivent justement par là, par cette brèche en fait en eux, qui peut se matérialiser de manière physique, mentale, sociale, etc. Justement appréhender le néant, mais parce qu'ils sont des mimétiques, parce qu'ils ont été aussi choisis par chacun de leurs féals pour justement, on va dire, être le véhicule de son pouvoir et peut-être un jour devenir eux-mêmes un féal, puisque c'est le but aussi Ouais, quand c'est même le but de chaque aussi. mimétique, justement de pouvoir combattre le néant. C'est en l'ayant goûté, en fait, qu'ils arrivent justement à le comprendre et à le combattre encore Et à le mieux. combattre, oui, Même tout à si fait. bon, la tendance générale quand même du jeu est au désespoir quand même, et à une lutte un peu vaine contre, on va dire, un mal qui de toute façon finit par le néant. C'est voilà, c'est l'oubli, C'est on inexorable. efface, c'est justement, il efface la mémoire, il efface les noms, il finit par effacer, comment dire, des territoires entiers qui disparaissent, comment dire, complètement de la mémoire des gens. Ils n'ont C'est un jamais mal existé en insidieux. fait. C'est quelque chose d'extrêmement formidable, épique, et à la fois aussi, on a l'impression vraiment quand on commence ce jeu et que vraiment on aura extrêmement de mal, beaucoup de mal en tout cas, à essayer de lutter. Et c'est ça qui en fait un jeu vraiment beau et on va dire intéressant, c'est que la lutte, on va dire, semble vaine, mais on continue à se battre malgré tout. Moi, j'ai une question pour Antoine là. Quand tu enfermes une créature du néant dans ton enclave, est-ce que ça comporte pas un risque? La créature, est-ce qu'elle peut Alors, s'échapper? si, Est-ce qu'elle peut bien prendre le sûr. contrôle Alors, de l'enclave? il y a un système de ce qu'on appelle les marées du néant, où régulièrement, selon les actions des personnages, selon qu'ils se corrompent plus ou moins, les créatures enfermées vont pouvoir devenir de plus en plus puissantes, essayer de sortir, voire de détruire l'enclave et de se réincarner dans la réalité après, de s'échapper en fait. Donc c'est Et quelque qu'est-ce qui se chose qui... passe si elle détruit son enclave? En termes de feuilles de perso, tu prends cher. en fait, ça détruit des éléments, ça va t'enlever des éléments de tes souvenirs, ça va t'enlever des éléments émotionnels, ça va peut-être même te blesser physiquement selon ce qui est attaqué. Mais dans tous les cas, les personnages, ce qui se passe dans l'enclave, les personnages le se ressentent réellement dans leur réalité, quoi. Donc ça a des effets immédiats, et après la créature s'incarne dans la réalité, s'échappe, et voilà, il faudra la récupérer. C'est un système donc ça s'appelle la congruence, en fait, un petit peu dans l'univers, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'enclave, des choses qui existent dans les enclaves ou dans Nosgoth, peuvent s'incarner dans la réalité selon un certain coup, et inversement, c'est-à-dire qu'on peut amener des choses vers l'onirisme et ramener de l'onirisme des choses dans la réalité. Tu peux enfermer aussi une personne dans une enclave ? Oui, j'ai des joueurs. C'est pas, je crois pas que ce soit prévu dans les règles, mais j'ai des joueurs qui ont prévu ça et qui ont enfermé des gens à revivre éternellement les exactions qu'ils ont commis. C'était pas des êtres identiques, c'était juste des bâtards en fait. mais je crois que c'est l'une des pires choses que mes joueurs aient fait, c'est de les enfermer dans une non-réalité pour l'éternité. C'est bon de forcer les joueurs à être aussi crasseux que leurs ennemis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les féales avant qu'on passe bah, je t'ai coupé, Romain. Non, c'est tout. Non, c'est bien. C'est assez vrai. C'est sympa de corrompre ces joueurs. ce qui est intéressant, qui ressort particulièrement, c'est que le fait d'avoir un trauma commun, ou en tout cas une blessure profonde, ça lie les personnages d'une manière assez unique, en fait, que j'ai pas pu retrouver dans beaucoup de jeux. Il y a le côté sombre secret qu'on a dans Cult, donc quelque chose d'horrible qui nous est arrivé dans le passé, et qui est partagé, et qui fait que de toute façon, on peut pas être plus intime avec quelqu'un que si on lui a partagé la chose la plus intime et la plus horrible qu'on ait vécue. Donc ça se résout dans l'enclave, ça se montre dans l'enclave, et ça accompagne les personnages au fur et à mesure de l'histoire. C'est quelque chose que je trouve à la fois beau, à la fois passionnant et émotionnellement fort. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. De mon point de vue de MJ, ayant testé le jeu à sa sortie, il est clair que, pourtant, j'avais des joueurs quand même assez revêches, si je puis dire, qui sont généralement pas très pronds, on va dire, à essayer des nouveaux jeux. J'ai réussi à les faire plonger justement là-dedans. Ils ont vraiment bien compris le principe de chacune des civilisations, qui sont très très marquées, tellement marquées d'ailleurs que techniquement, dans un jeu, voilà, c'est impossible normalement de faire jouer à la même table certains, bah, par exemple un chimérien et un grifféen qui se mènent une guerre sans merci depuis des éons. Et pourtant là, justement, ce trauma, comme tu dis, c'est ce qu'ils ont vécu en commun a vraiment créé la fratrie. En fait. Voilà, c'est la fratrie s'est vraiment créée autour de cela. Et ils ont compris tout de suite où était leur intérêt et qu'ils devaient, comment dire, fonctionner ensemble et qu'ils n'avaient pas le choix. Car s'il y a même une personne de la fratrie qui flanchait, ben tout était perdu d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Ok, du coup, on va peut-être passer à Rêve de Dragon. Ouais. Alors, Rêve de Dragon. Rêve de Dragon est un jeu classé, on va dire, dans ce qu'on appelle le médiéval fantastique onirique. La première édition est sortie en 1985, ce qui ne nous rajeunit pas beaucoup. Et oui, quand même. C'est mon année de naissance. J'étais très jeune à l'époque et je ne faisais même pas encore de jeu de rôle. et le jeu, comment dire, propose vraiment à l'époque une petite révolution d'une certaine manière, c'est-à-dire de jouer à un médiéval fantastique de manière vraiment différente. Où là le scénario, comment dire, prend son importance et chaque justement scénario d'une certaine manière décrit une situation, mais surtout on va dire un rêve, un monde, on va dire à part entière, puisque le postulat du jeu est que, comme on dit, voilà, le monde est un rêve de dragon, donc le monde est rêvé par des dragons qui rêvent le décor, mais qui rêvent aussi, comment dire, les personnages, et en particulier les personnages que jouent les joueurs donc dans ce jeu sont des voyageurs. C'est-à-dire que là, on est certains, puisque c'est assez flou, parlent justement de plusieurs âges avant, où il y a eu donc l'âge des dragons, l'âge des hauts rêvants. Ces deux âges se sont arrêtés, on va dire, dans un grand cataclysme où les dragons se sont réveillés et se sont rendormis. Et là, donc, dans ce troisième âge, qui est l'âge des voyageurs, chaque personnage, on va dire, décide un jour, alors qu'il n'était qu'un simple artisan, un simple paysan, il a l'appel du voyage, et donc il part voyager, comment dire, sur les chemins. Et le mode de vie du voyageur est un mode de vie, on va dire, qui est connu, qui est reconnu, comment dire, par tous ces mondes rêvés justement par les dragons. Et ils peuvent donc ainsi passer de rêve en rêve, avec évidemment des règles qui permettent de passer d'un rêve à l'autre, par des sortes d'interfaces qui sont représentées en tout cas dans, en termes de jeu par des nuées colorées qui peuvent être jaunes, violettes en fonction de l'entrée et de la sortie. Bon, ça c'est une technique un peu, mais bon, c'est très reconnaissable après par rapport au. Et donc voilà, les voyageurs vont vivre donc des aventures, vont en fonction des mondes qui sont toujours des mondes, on va dire avec la même ambiance malgré tout médiéval fantastique. Malgré tout, on ne part jamais, comment dire, dans quelque chose qui sortirait du genre, qui sortirait du thème, on va dire, et du niveau technologique entre guillemets. On ne peut pas intervenir dans un univers de science-fiction. Rêve de Dragon, ça ne s'imagine même pas, ou même dans un univers plutôt steampunk, où voilà, on reste quand même dans un monde médiéval fantastique, mais avec une particularité à chaque fois, c'est la découverte malgré tout d'un nouveau monde avec des gens, des ethnies, des peuples, des cultures qui sont d'une originalité parfois qui est vraiment très intéressante et qui est donc découlée comme cela à travers les 11 scénarios qui sont sortis dans la première édition du jeu, qu'on appelle donc les Miroirs des Terres Médianes. Voilà. Et donc le jeu a connu une deuxième édition en 1993, qui reste à mon humble avis l'un des plus beaux objets de GDR que je peux posséder dans ma collection, où donc là tout le sens, on va dire poétique, du jeu s'exprime à la fois à travers l'objet, mais aussi à travers donc ce qui est à l'intérieur. Et donc voilà, le voyageur qui petit à petit découvre justement la structure du rêve, s'aperçoit petit à petit que lui-même n'est que rêvé par un dragon, puisque le voyageur peut mourir. Et donc, dans ce cas-là, son dragon se réveille, mais se rendort et va donc re-rêver une version différente, légèrement différente de son personnage. Donc, il va garder les mêmes caractéristiques, mais on va changer quelque peu les compétences. Et petit à petit, il y a un système qui est prévu dans le jeu, qu'on appelle le système d'archétype, où donc, petit à petit, en fait, le méta-personnage, c'est-à-dire tout l'ensemble de tous les personnages rêvés par le dragon, va évoluer. Et ce qui va permettre, en fait, au fil, justement, des aventures vécues, du rêve, de développer, on va dire, un personnage qui est beaucoup plus vaste que ce qu'il est qu'au départ, c'est-à-dire simplement un voyageur. Là aussi, où il y a une spécificité, c'est dans le... Il y a, évidemment, parmi ces voyageurs, il y a aussi, comment dire... Comme j'en avais un peu, j'ai cité le nom il y a quelques instants, ce qu'on appelle les hauts rêvants. Car oui, il y a de la magie aussi dans ce monde. Mais là, c'est une magie très particulière, puisqu'en fait, le haut rêvant, de mon point de vue, en tout cas, quand j'ai préparé le podcast, j'y ai un peu réfléchi, et c'est vrai que ça revient à ça. C'est une sorte de pirate du rêve. En fait, il a la capacité de pouvoir monter dans une strate intermédiaire entre donc le monde rêvé et le monde des dragons qui rêvent, puisqu'il y a bien un monde des dragons où ils sont endormis qui existe quelque part. Et lui, dans cette terre qu'on appelle Terre Médiane, justement, il va trouver, comment dire, le bon moyen, si je puis dire, le bon levier sur lequel appuyer pour changer le rêve à selon sa volonté. Et donc, à partir de là, pouvoir... vraiment bousculer complètement le rêve et faire des choses qui normalement ne sont interdites, sont impossibles. On ne peut pas normalement changer le rêve, on le subit d'une certaine manière. Les voyageurs semblent avoir leur libre arbitre, mais est-ce qu'ils l'ont réellement? On est toujours, comment dire, on ne sait pas trop. Et, alors que là, le haut rêvant, lui, justement, va à l'encontre de toutes ces règles et va pouvoir justement s'affranchir, comment dire, de ce que les dragons lui imposent et imposer, comment dire, sa vision dans le monde réel. Voilà. Est-ce que tu peux parler du rêve d'archétype, hein? Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme précision à ce propos? Ben, en fait, moi je lis pas mal le fanzine Arkenstone, c'est un gars, un breton qui sort ça, il sort pas mal de rêves de scénario rêves de dragon. Oui. Et il parle souvent de rêves d'archétype, et je sais pas c'est quoi en fait. C'est un type de scénario qui est vraiment particulier, il y en a quelques-uns, comment dire, à citer justement là-dedans. C'est qu'en fait, les personnages vont être mis dans une situation au départ qui va leur rappeler quelque chose qu'ils ont rêvé avant. Un effet de déjà vu, quoi. Voilà, une impression de déjà vu. Et pour progresser en expérience, techniquement pour avoir une grosse pelletée d'XP à la fin du scénario, ils vont devoir, comment dire, retrouver cette situation. Alors dans un des scénarios, par exemple, puisque je l'ai fait jouer il n'y a pas très très longtemps, c'est là que ça me revient, il y a Poussière d'étoiles, où donc ils ont contemplé, par exemple, donc dans un monde où il y a, comment dire, un observatoire astronomique très renommé, et donc ils vont voir que justement cet observatoire astronomique n'est pas comme celui qu'ils ont vu avant, peut-être dans une vie passée, dans un rêve passé, puisque tout est vécu vraiment comme un rêve, hein, c'est on coupe au moment où le rêve s'arrête, toutes les actions des personnages qui ne sont pas dans le scénario sont vécues dans un temps intermédiaire qu'on appelle gris rêve, justement, où on va gérer, on va dire, ce qui se passe entre les rêves, quoi, en fait. Toutes les scènes, on va dire, toutes les ellipses, d'une certaine manière. C'est ça qui est bien, justement, c'est que la réalité, en fait, la réalité du jeu et du rêve sont traduites, on va dire, dans le système de jeu. Par exemple, je crois que tu peux gérer un voyage, tu fais juste une ellipse et le voyage voilà. est fini. Voilà, le voyage est fini s'il n'a pas d'importance, on va dire, dans la chose, et ouais. les joueurs auront quand même un souvenir de ce qu'ils ont vécu, que le maître du jeu va leur révéler, mais on va dire ça sera très très succinct. Voilà. Et donc là, comme on disait dans le rêve d'archétype, ils vont justement devoir revivre cette situation. Donc là, c'était en particulier aller chercher cette poussière d'étoiles qui permettait de faire en sorte que ce dôme astronomique soit, on va dire, avec des couleurs très vivantes, très chatoyantes, et donc ils vont faire toute une quête, justement, dans le scénario pour retrouver cette fameuse poussière, pour qu'elle soit réintégrée, comment dire, au dôme, et ainsi revoir le dôme qu'ils avaient connu auparavant, et ainsi se replonger, comment dire, dans ses réminiscences, et ainsi... gagner en expérience et donc faire progresser leur archétype. Voilà. Mais il y a plein d'autres scénarios qui sont sur ce thème du rêve d'archétype, justement, qui c'est quelque chose de très courant, on va dire, dans Rêve de Dragon. C'est même un moteur, on va dire, d'intrigue qui est beaucoup utilisé par l'auteur. Ok. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Rêve de Dragon avant de passer à la suite? Non, c'est un petit mot sur le système, justement, puisque je parlais du haut rêvant, et à y réfléchir quand j'ai revu, comment dire, la chose, c'est vrai que en 85, pourtant, faut imaginer, comment dire, que le sorcier, donc le haut rêvant, quand il lance, comment dire, un sort, il va dans les terres médianes, et les terres médianes sont matérialisées par une sorte de damier, avec donc, c'est une carte en fait, la carte des terres médianes, avec des symboles qui représentent donc des cités, des tombes, des marais, des rivières, etc. Ils doivent donc, en termes de jeu, se placer sur la bonne case pour lancer le sort. Voilà. Et d'une certaine manière, on peut rapprocher ça un petit peu de la manière dont ils avaient imaginé les systèmes de piratage en termes de réalité virtuelle dans la matrice, dans les jeux cyberpunk. Parce que c'est vrai qu'au niveau gameplay, il y a un lien. Ça marche un peu pareil, quoi. D'accord. Il y a un lien indéniable, et c'est ça qui me fait penser justement que le haut rêvant de Rêve de Dragon est un peu un hacker du rêve d'une certaine manière. Et voilà. C'était l'idée, comment dire, qui avait émergé à partir de là. Donc après, je ne sais pas si quelqu'un justement veut rebondir là-dessus, s'il connaît peut-être Rêve de Dragon et s'il a des questions. Non, moi j'ai pas de questions. Bon, bah Alex, si tu permets, du coup, je vais présenter mon jeu ou t'as autre chose à rajouter? Je t'en prie. Donc moi je vais vous présenter la méthode du docteur Chestel. Alors là c'est pareil, ça nous rajeunit pas parce que c'est un jeu qui date de 1991. L'auteur c'est Daniel Danjean, qui est encore assez actif. Il y a moyen de discuter avec lui sur divers forums, souvent sous l'avatar de Chestel d'ailleurs, de docteur Chestel, notamment sur Google+. Une personne très sympathique, vraiment. Et donc dans la méthode du docteur Chestel, on joue des espèces de psychiatres qui doivent soigner un patient qui souffre de certains troubles psychologiques. Enfin, il y a d'autres prémices possibles, hein, mais c'est la plus répandue dans le jeu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Je vais prendre l'exemple d'un des scénarios du bouquin, c'est le prêtre qui a peur des enfants. Le patient, en l'occurrence, c'est un prêtre qui a peur des enfants. Il sait pas pourquoi. Il sait pas pourquoi. Il a mené une enquête. Il a aussi suivi une psychanalyse et en fait, ça n'a rien donné. Et donc, les PJ, en fait, sont son dernier espoir. On va utiliser une méthode particulière pour le soigner, qui s'appelle justement la méthode du docteur Chestel. C'est-à-dire que les PJ vont absorber une drogue qui s'appelle le Gunatraja. Et ils vont voyager dans l'intracos du patient. L'intracos du patient, c'est son inconscient ou c'est ses rêves, c'est pas facile de savoir. Grosso modo, c'est un monde onirique qui lui est complètement personnel. Et bah en fait, c'est un monde à la fois familier puis à la fois différent. Par exemple, dans l'intracos du prêtre qui a peur des enfants, comme il s'avère que le prêtre se méfie des nouvelles technologies, et ben dans son intracos, ça se passe dans un monde rural, ben, qui correspond aux paroisses qu'il connaît, mais où la technologie a 30 ans de retard, quoi. Donc il y a des petites choses comme ça un peu étranges. On est dans un monde onirique, donc tout peut arriver, hein, dans le scénario. Tu peux te faire attaquer par une créature en épi de maïs. Comme le prêtre croit au diable, ben en fait, tu peux rencontrer le diable dans le scénario. Et puis tu vas effectuer, tu dois mener l'enquête dans ce monde onirique et tu vas te rendre compte, que le fait qu'il ait peur des enfants, effectivement, ça a une explication parce que dans son monde onirique, les enfants sont devenus maléfiques. C'est expliqué par diverses, en fait, il y a divers traumatismes de son passé, pourtant rien à voir avec les enfants, qui ont entraîné dans le monde onirique une série de conséquences qui a fait que les enfants, en fait, sont tombés sous la coupe du diable et sont devenus maléfiques. Et le but des PJ, c'est donc de guérir le patient de son traumatisme. Donc ils ont un cahier des charges bien précis, hein, c'est-à-dire que le prêtre, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui enlève sa peur des enfants. Mais en fait, il faut faire très très attention quand on est dans l'intracos, parce que tout ce qu'on fait peut avoir une répercussion sur le mental du patient. Par exemple, si je décide de régler le problème des enfants maléfiques en les exterminant à la mitraillette, en fait, on peut imaginer que le prêtre, il va devenir ultra-violent, ou peut-être même qu'il va devenir violent à l'égard des enfants. Donc certes, il n'en aura plus peur, mais on aura complètement bouleversé son psychisme. Si j'avais... Bon, c'est un jeu qui, par bien des égards, il y a des mécanismes qui me paraissent très modernes. Par exemple, pour faire des actions, ce sont des seuils de difficulté. Hein, bon, très classique. Les difficultés seront graduées de 1 à 12. Et en fait, 12, c'est difficulté impossible. Mais en fait, techniquement, tu peux arriver à ce score de 12. Donc tu peux réaliser des actions impossibles dans l'intracos. Mais généralement, si tu fais ça, par exemple, imaginons voler dans l'intracos, voler comme un oiseau, c'est impossible. Mais si tu fais un 12 à ton jet de dés, eh ben, tu vas réussir à voler. Le problème, c'est quand tu accomplis une action impossible dans l'intracos, eh bien, ça va se répercuter sur le mental du patient. Bah, peut-être que le prêtre, il va croire que c'est possible de voler, puis qu'il va sauter de sa fenêtre, quoi. Donc il y a des choses intéressantes. Tu peux aussi, tu peux rencontrer en fait, tu peux rencontrer l'avatar du prêtre dans son intracos. Donc c'est pareil, c'est assez, il y a un vertige logique en fait à rencontrer. Le mec existe lui-même dans son inconscient. Et là, en l'occurrence, il me semble que le prêtre a été capturé par les enfants maléfiques et il se fait torturer par les enfants. Par contre, si j'avais une critique à émettre. Pour ce jeu. Enfin, c'est pas une critique, c'est quelque chose que moi j'aimerais, si je devais maîtriser à Chastel, c'est quelque chose que je mettrais en place. Le jeu l'interdit pas, mais on va dire qu'il le propose pas. C'est-à-dire que finalement la seule interaction entre le réel et le virtuel, c'est que si tu fais des conneries dans l'intracos du patient, tu vas modifier son mental. Mais ça, c'est traité dans le. En fait, tu l'apprends par une coupure de presse. Ouais. Tu vas apprendre que le prêtre, il s'est jeté de la fenêtre parce que t'as fait le con, tu t'es amusé à voler dans son intracos. Mais c'est clairement les scénars. Tous les scénars se passent dans les intracos des patients et on n'en sort jamais. Ce qui est symptomatique aussi, c'est que t'as une feuille de personnage pour ton personnage dans le rêve qui peut d'ailleurs avoir des compétences différentes des tiennes. C'est ça qui est marrant. Parce que en fait, c'est un peu comme un personnage de jeu vidéo. Tu le paramètres. Si ça paraît important, je sais pas, par exemple, d'être aviateur dans l'intracos du patient, par exemple, parce que le patient est aviateur et ça risque de se passer dans les airs, eh ben tu programmes ton avatar de façon à ce qu'il maîtrise l'aviation, alors que toi, t'y connais rien. Oui, non, mais par contre, t'as pas de feuille de personnage pour ton perso quand il est réveillé. C'est jamais joué. L'éveil est jamais joué, t'as pas de feu du perso, c'est assez troublant. Moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été un crossover Dr. House et méthode du Dr. Chastel. C'est-à-dire avec un supérieur qui a des méthodes iconoclastes, qui t'envoie en fait cambrioler le domaine du patient pour trouver des indices, à jouer complètement les conséquences aussi, c'est-à-dire que le prêtre il vienne vraiment t'engueuler parce que il a pris, il s'est mis à, il a sauté par la fenêtre à côté de toi. Et puis on peut imaginer carrément. On peut imaginer des conspirations, pourquoi pas des factions qui utilisent cette méthode. Parce que par exemple, c'est sous-entendu qu'on peut aussi. Ben, il y a un exemple de scénario, c'est on capture un espion de l'Allemagne de l'Est et on rentre dans son intracos pour récupérer des informations sur les soviétiques. Mmh. Vous voyez, c'est un jeu qui a énormément de potentiel, mais il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'appréciation du MJ, quoi. D'ailleurs, il y avait un petit clin d'œil à ce sujet-là aussi, d'un patient visiblement dont ils se servent pour un peu comme maître du jeu. Et dans son inconscient, justement, ils vivent des parties de Donjons et Dragons. Je m'en souviens aussi, ça m'avait fait assez rire. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vous écoute. Non, ouais. C'est vrai que je regardais la fiche de Dr. Chastel que moi je connaissais pas et que je découvre en direct. C'est vrai que je pense que la partie en amont discussion avec le patient avant d'aller dans son intracos, tu citais Dr. House, je pensais aussi à Lie to Me, je pense effectivement ça peut, outre l'aspect conspiration, bon, si jamais déjà le patient commence déjà à ce moment-là à mentir ou à cacher des secrets, on peut attirer les PJ dans cette direction-là dans l'intracos, alors qu'en fait, si ça se trouve, le mec est juste un bon menteur. Et donc, mais tu vois, ce qui est marrant, en fait, c'est que c'est décrit comme étant une éthique du docteur Chastel. C'est-à-dire que le docteur Chastel, en fait, il interdit au psychiatre d'aller enquêter sur le patient, quoi. Donc, c'est tentant. De toute façon, si tu joues, je pense que les PJ, ils peuvent pas s'empêcher d'aller fureter, quoi. Ah bah, oui, des joueurs normaux, c'est clair qu'ils vont avoir l'envie d'en savoir plus. C'est vrai que si on leur présente juste au départ, puisque c'est le postulat de base, un dossier patient où sont censées être justement toutes ces informations qui ont été recueillies par une autre équipe. Tout à fait, c'est pas que ça se passe. Et voilà, il manque quelque chose. Donc c'est vrai que c'est un aspect du jeu qui n'est pas du tout développé, même si techniquement il peut être prévu, et encore, je pense pas qu'il est prévu, quoi. Vraiment, l'intracos, c'est le lieu de jeu dans Chastel, et il l'avait défini comme tel, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est des parties assez courtes, mais c'est quand même des parties très intenses. Parce qu'il faut vraiment faire très attention à chacune de ces actions, parce que sinon on risque de mettre un bazar sans nom dans l'esprit du patient, sans en avoir réellement conscience nous-mêmes, quoi, en tant que joueur. C'est toute la difficulté. Mais c'est un jeu malin, hein, c'est-à-dire que quand même, tu vois, le bouquin est très court, hein, je crois qu'il fait une centaine de pages. C'est très, très condensé, ouais. Mais en fait, il y a un moment, par exemple, je crois qu'il donne une dizaine de synopsis, vite fait, tout ça. Et en fait, tu sens qu'il a peut-être pas eu le temps dans le bouquin de donner des pistes, mais il fait tout quand même pour laisser des petits, pour permettre au MJ débrouillard de sortir des trucs vraiment intéressants, quoi. Donc, un jeu très court, mais avec un potentiel immense. Voilà, un concept vraiment très très intéressant et qui vraiment sort des sentiers battus, ça c'est clair. Bah, ne serait-ce qu'il y a un truc qui est troublant, par exemple, c'est que pour accéder à l'intracos du patient, il faut consommer une drogue mystérieuse qui s'appelle le Gunatraja. On ne sait pas de quoi elle est composée, d'où elle vient. Et puis c'est marrant, on ne sait pas s'il y a un effet d'accoutumance. Imagine un psychiatre en fait, qui commence à être camé au Gunatraja, et en fait il commence, ou alors on peut tomber amoureux d'un intracos d'un patient. Il y a une image hyper troublante dans le bouquin où en fait clairement, je crois qu'ils vont dans l'inconscient d'une belle femme. Et l'image est vraiment d'un érotisme assez troublant. Et on peut imaginer que tu te mettes, si tu tombes amoureux d'une personne et que parce que tu l'as soignée en fait à un moment, qu'après tu deviennes camé et en fait que tu essayes de squatter son intracos le plus souvent possible, quoi. Ne serait-ce que pour accéder peut-être à ses fantasmes, à des dimensions inconnues de cette personne. Ça fait un peu penser à Timothy Lear qui prenait du LSD avec ses patients, quoi. Ouais. Ouais, puis vous verrez l'esthétique du jeu, je trouve que c'est très New Age. Il y a un côté, effectivement. Je sais pas si c'est volontaire, mais les images du jeu sont vraiment troublantes. Ok, alors on a passé beaucoup de temps sur ces quatre jeux, mais je pense que c'était important. Je pense qu'on avait tous plein de jeux en tête. Donc là, on va faire vite fait, ça va être un peu sportif, hein. On va faire une petite séance name dropping. C'est-à-dire que chacun à votre tour, vous allez pouvoir citer, mais alors vraiment, faut faire speed, hein. En une ou deux phrases, des jeux qui méritent d'être signalés. Par exemple, Antoine, que tu pensais à quoi d'autre comme jeu vite fait? Humanidine, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a le temps du rêve qui est intéressant dedans. Ouais. Il y a ce genre de possibilité aussi dans Influenza, donc tu en parleras mieux que moi aussi. Ouais, je vais en parler tout à l'heure. Voilà. C'est tout. Alex, peut-être? Bah, évidemment, les jeux cyberpunk qui abordent le thème de la réalité virtuelle, donc avant tout Cyberpunk et Shadowrun. Voilà. Qui sont Ouais. les deux meilleurs et les plus représentatifs du genre à ce niveau. Et dans Shadowrun, il y a un truc très fort dans Shadowrun 4, c'est en plus de la réalité virtuelle, il y a une nouvelle couche, c'est la réalité Réalité augmentée. augmentée. Et ça, c'est énorme. Dont on pourra justement reparler dans la partie concept. Ouais, je pense qu'on aura peut-être le temps d'en parler, ouais. Je quitte Romain? un peu la science-fiction. Je quitte la Ouais. science-fiction. Moi, je citerais plutôt Deadlands avec les terres de chasse, avec les Indiens, où là, je pense qu'il y a des choses qui sont pas inintéressantes à faire. Et sinon, ben, Néphilim, où effectivement, les Néphilim sont invités durant une partie du jeu à aller dans les Akasha. Donc, c'est de là que viennent tous les concepts qui peuplent, on va dire, un peu aujourd'hui notre réalité. Toutes les légendes et toutes les histoires viennent des Akasha et de leur pendant maléfique que sont les Entitaires. Où donc les Néphilim peuvent voyager. Voilà. Ok. C'est tout. Je voudrais juste peut-être ajouter Ouais, Antoine? un peu à part le jeu culte, Ouais, j'y pensais où aussi. en fait la Ah. réalité n'est pas la réalité. Voilà. C'est Tout à fait. super bien vu, super bien vu. Alors bon, là, du coup, on spoil vachement culte. Mais Ah, bon, je pense que ça vaut désolé. pas le spoiler, hein, mais On a des gens qui connaissent, donc voilà. Moi, je ne Ouais, connaissais ouais, pas. ouais. Ouais. Faudra masteriser et pas jouer. Ok. Ouais. Gros C'est problème. dans tu vas découvrir des trucs sur ta réalité qui effectivement ton petit monde propre et douillet n'est peut-être pas exactement tel que tu l'imagines en fait. Ah, l'enfoiré. Et justement, oui, avec ces dimensions fantasmées au-delà du voile, au-delà du. Et puis il y a les purgatoires aussi, c'est important dans Cult, il Voilà. y a les purgatoires qui sont des La enfers personnels, métropole, bah un petit le peu comme tu parles. purgatoire. Ouais. Voilà, comment dire, je me souviens plus du nom, mais il y a aussi une terre sauvage dans Cult. Oui, il y a différents. Ouais. Le nom m'échappe. Ça date un peu dans ma tête, mais. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas maîtrisé non plus. Il y a par exemple, il y a un PNJ, en fait, il y a divers purgatoires qui sont les enfers personnels, en fait, de rêveurs puissants, on pourrait dire ça. Par exemple, il y a un vétéran du Vietnam, et en fait, qui a commis des horreurs au Vietnam. Et dans son enfer personnel, il se retrouve au Vietnam et en fait, sa famille et ses proches se font napalmer devant lui en permanence et tout. Et bon, évidemment, c'est des endroits cauchemardesques que les PJ peuvent avoir le malheur de devoir visiter, quoi. C'est ça. Donc enfin, culte, ça reste pour moi la Bible. Plus que l'appel de Cthulhu en termes de jeu d'horreur, donc voilà. Mais Un point de vue qui se défend. Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. ouais. Ah oui, mais par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, Disons largement. que je maîtrise plus souvent Cthulhu que Cult, hein, très sincèrement. Voilà. Je sais aussi pourquoi. J'ai pas envie d'envoyer mes joueurs à l'asile. C'est ça. Et Sinon, d'ailleurs, dans je rebondissais là-dessus, puisque tu parlais des purgatoires et des enfers personnels. Il y a justement dans Torg. Le réseau divin qui sert également aussi de purgatoire. Le réseau divin étant l'équivalent de la matrice, mais avec évidemment toute une teinte thématique divine. Et justement, la matrice devient aussi, on va dire, donc la réalité virtuelle devient aussi un moyen de punir les gens qui ont péché d'une certaine manière dans cette théocratie complètement. Qui ne laisse aucune chance, en tout cas, à ceux qui ne croient pas selon le dogme. Voilà. Ça me faisait penser à cela. Sinon, il y a les contrées du rêve, on parlait de Cthulhu. En fait, les contrées du rêve dans l'appel de Cthulhu, c'est une sorte de dimension onirique partagée, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, en rêvant, est censé pouvoir y aller. Mais en fait, tout le monde n'est pas, il faut quand même être, on va dire, un rêveur exercé ou utiliser des drogues. Et c'est une sorte de monde dark fantasy, monde médiéval fantastique, en fait, hein, qui est une sorte d'inconscient collectif de l'humanité, on peut appeler ça comme ça. L'humanité et pas que. Ouais. Et la critique que j'ai par rapport aux contrées du rêve en truc tel que c'est présenté dans les bouquins, je pense, c'est que c'est oui, parce qu'il y a effectivement les grands anciens qui en font leur cirque personnel. C'est ça qui est important aussi. C'est que souvent c'est exploré comme bah en fait quand on joue dans les contrées du rêve, d'après le bouquin, on fait que ça quoi. On n'alterne pas le rêve et la réalité. Et du coup, ça revient presque à jouer dans un monde, bah, dans un monde médiéval fantastique bateau, quoi. Par contre, Avec ses originalités tout de même. Ouais, c'est Ouais. une forme de réalité. Il me semble que, alors, il y a un livre qui s'appelle Cadas qui est sorti il y a un peu Cadat, 3 ans. ouais, c'est vrai. Et il y a un jeu de rôle Et il y a associé, un jeu de ouais. rôle chez les 12 singes qui est sorti basé sur ce bouquin-là. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai le gros bouquin, mais j'ai pas le jeu de rôle. Je sais pas, j'ai pas Donc c'est une testé. autre façon d'explorer les contrées du rêve, ouais. Ce que je voulais rajouter au sujet des contrées du rêve, je voulais citer en fait un livre qui est sorti l'année dernière là. C'est un petit livre aux éditions Stella Maris qui s'appelle Xura. En fait, c'est son auteur Michel Chevalier a racont en fait raconte par l'intermédiaire d'un espèce de poème épique une campagne qu'il a faite dans les contrées du rêve. Et je la trouve très intéressante parce que justement, il mêle comment il mêle bien le réel, il propose bien une interaction entre le réel et le virtuel. En fait, on suit, ça se passe à Brest. Et clairement, les personnages dont on parle sont soit vraiment en proie au désespoir, ou en tout cas ont été victimes de traumatismes ou d'échecs importants dans leur vie. Et en fait, il y a deux PNJ qui sombrent vraiment dans ce désespoir. Ils consomment une herbe qui permet d'aller en contrée du rêve quasiment en permanence. Ils vivent dans une espèce de cave sans aucun confort. Et la plupart du temps, ils sont projetés dans les contrées du rêve, où là, ils peuvent, bah, leur vie leur paraît nettement plus intéressante là-bas, quoi. Mais à tel point qu'en fait, il y a un des deux qui finit par mourir, c'est-à-dire qu'il arrête de nourrir son corps terrestre. Il finit par crever dans sa cave comme un con, quoi. Et en fait, son esprit, enfin, il continue à vivre uniquement dans les contrées du rêve. Et l'autre personne, sa copine, en fait, sombre dans le coma. Donc son corps terrestre sombre dans le coma parce que effectivement plus alimentée, elle était abandonnée dans la cave, incapable de se réveiller. Et donc les PJ vont absorber en fait aussi la drogue pour pouvoir aller en fait, dans les contrées du rêve, la sauver, essayer de la sortir du coma, sachant qu'on prétend qu'elle est, en fait, qu'elle a, elle s'est construit une sorte d'enfer personnel, justement, dans le rêve, parce que les rêveurs puissants peuvent construire des choses. Alors, il y a un rêveur comme Kouranes qui construit une ville qui est magnifique, c'est les Faïs. Et en fait, cette rêveuse, elle, en l'occurrence, comme elle est en proie au désespoir, eh ben, elle crée un monde qui est Xura, qui est en fait un monde cauchemardesque. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que les personnages sont intéressés, s'interrogent sur leur propre notion de l'espoir. C'est quelque chose qui a interrogé tout au long du bouquin. Et on voit justement que dans le monde des rêves, ils perdent leur puissance quand ils arrivent face au méchant final. S'ils perdent espoir, ils perdent leur puissance. Voilà, c'est une lecture que je recommande. Ça s'appelle Xura. Xura. Sinon, si vous me laissez encore 2 minutes de name dropping, j'ai deux trois autres jeux dans ma besace. Je cherche un jeu depuis tout à l'heure, mais je le retrouve pas non. Donc, à moins que vous vouliez Ça parle m'aider. de quoi? Peut-être que j'ai en tête. En fait, c'est basé sur l'univers de Moorcock. Ah, Il je y connais pas. a, ouais, bah, c'est, il a fait Oakmoon et Elric et C'est le tout un dernier? truc. Basé. Mourneblade, peut-être. Moonblade, peut-être. Il y a une cité des rêves, en fait, où les gens C'est vont quand ils Corum. s'endorment. C'est Corum. Corum. Ouais. Ouais, c'est Corum. Et je sais plus s'il est, je sais plus. Je crois que je l'ai vu en jeu de rôle aussi. J'ai un doute. Alors après, il y a une cité où les gens, quand ils s'endorment, ils se réveillent là et c'est là que se passent les aventures en fait. Donc, c'était pas inintéressant, mais ça m'échappe. Désolé. Donc, sinon, on a Lacuna. Lacuna, c'est un jeu de Jared Sorensen qui est sorti il y a quelques années là. C'est un mélange entre la méthode du Dr Chastel et Paranoia. C'est un jeu très déroutant. Par contre, il est vraiment esquissé vite fait. Hein. C'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de boulot pour le MJ s'il veut. Parce que grosso modo, il y a plein de trucs qui sont pas expliqués. Ce sera le boulot du MJ de faire. Si vous voulez en savoir plus, on a fait un podcast La Cellule sur Lacuna, qui est assez intéressant. Mais il faut parcourir le net hein, parce que c'est un jeu. C'est un jeu pour MJ qui aime bien bosser de son côté. Ça donne énormément de pistes, mais après, il y a du boulot. Sinon, j'ai écrit moi-même un jeu qui s'appelle S'échapper des faubourgs. C'est sorti l'année dernière. C'est un petit jeu où on joue des amis proches, qui se retrouvent dans un endroit à la fois familier et cauchemardesque. C'est-à-dire qu'ils retrouvent des gens qu'ils connaissent, mais en même temps, il y a aussi des monstres. Il se passe des choses horribles. L'architecture est bizarre. Et en fait, il va falloir s'en échapper parce que c'est un endroit horrible. Si on reste, on va finir par crever, par se faire tuer par les monstres. Mais une seule personne peut s'en échapper. Et donc d'amis, on va devenir. En fait, au début, on est des amis et ça a tourné à la Battle Royale. Et en fait, dans ce jeu, il y a une interrogation sur. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est les faubourgs? Pourquoi on est là? Sinon, il y a Histoire de fou par Denis Gerfaut, l'auteur de Rêve de dragon. Tout à fait. C'est une sorte de jeu onirique. En fait, les personnages sont plongés dans des crises, une espèce de cauchemar complètement délirant dans lesquels ils vont essayer de sortir. Par contre, c'est très humoristique et on peut être déstabilisé par le ton humoristique du jeu. Je sais que par exemple, moi, c'est un jeu que j'ai détesté. Vraiment, Histoire de fou, vous pourrez pas m'y faire jouer. C'est un jeu que je trouve abominable. Mais je pense qu'il faut avoir un sens de l'absurde assez assez élevé pour apprécier Histoire de fou. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est vraiment pour un public particulier. On a Songe de Saladin. C'est un jeu particulier, c'est dans un monde onirique, envahi de brume, c'est dans des, en fait, c'est des mondes au milieu d'une mer de nuages. Et, c'est un monde onirique de cap et d'épée. On joue des espèces de mousquetaires. Le jeu est dispo gratuitement. J'ai juste lu vite fait, hein, donc j'en sais pas plus. C'est un peu mystérieux. Je sais pas s'il y a des. Je pense qu'il y a des. Il y a sans doute des révélations. Enfin, en quoi il est onirique à part le fait qu'il est bizarre. Je ne sais pas quoi. Et puis également, il y a le cauchemar de Marty. Cauchemar de Marty, c'est sorti dans le recueil des murs en herbe. C'est un jeu où on joue dans l'inconscient d'un tueur en série. Donc je pense qu'il y a un petit côté identity dans ce jeu. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux à citer ou est-ce qu'on passe au concept? On a déjà bien bouffé le temps, là, ça fait une heure qu'on discute. Pour moi, c'est ok. Pareil. Ok. Donc là, on va passer au concept, peut-être un petit peu plus rapidement, mais bon, après, prenez le temps quand même de dire ce que vous avez à dire, mais on va sans doute être un peu plus centré. Donc, j'avais noté, premier... Tac, on avait d'abord parlé du temps du rêve. Je crois que c'est Alex qui devait nous parler de ça. Oui, donc quand on a préparé le podcast, Thomas, justement, c'est l'idée qui nous est, enfin, qui nous est venue dans le courant de la conversation, et donc en effet, ce fameux temps du rêve. Alors moi, j'y ai pensé parce que j'ai pensé à Torg, qui est un jeu, même si bon, peu le connaissent, peu l'apprécient, c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui malgré tout propose pas mal de choses. C'est un jeu multi-univers, et donc il y a évoqué surtout dans les romans en fait. Qui raconte le tout début de l'invasion de la Terre, puisque le postulat de base, c'est que la Terre est envahie par plusieurs réalités parallèles, qu'on appelle cosmes, pour simplifier, pour le déposséder de son énergie. Et donc, là-dedans, il y a justement l'un des protagonistes qui va défendre d'une certaine manière sa culture et son monde, c'est-à-dire l'Australie, justement, des envahisseurs, en utilisant justement la dimension du temps du rêve. Et c'est ça qui m'y a fait penser. Et donc le temps du rêve est un concept extrêmement important justement pour cette culture des aborigènes d'Australie. puisque en fait le temps du rêve pour eux c'est le monde des esprits certes, mais c'est surtout le monde des ancêtres, et donc c'est le monde, c'est la mémoire du monde, c'est là où à l'origine le monde a été créé, et c'est là comment dire que l'on voit justement tout ce qui a fait en fait que le monde est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent se replonger justement dans cette dimension rêvée, cette dimension, on va dire, dans laquelle ils vont puiser en fait dans la mémoire de leurs anciens pour ne pas perdre leur identité, ne pas perdre leur culture et continuer, on va dire, à perpétuer leur tradition. Voilà. Donc c'est ce concept justement de monde spirituel, à la fois spirituel et rêvé, qui est vraiment, on va dire, un concept qu'on retrouve évidemment donc dans plein de jeux de rôle, donc pas seulement Torg, mais donc on parlait justement du temps du rêve également dans l'appel de Cthulhu, qui fait l'objet d'ailleurs d'une campagne mythique, et donc les masques de Nyarlathotep, de Humanidine aussi, si jamais d'ailleurs quelqu'un veut en dire un mot à propos du temps du rêve dans Humanidine. Alors, le temps du rêve dans Humanidine, en fait, c'est un espace qui est compris entre les dimensions. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il y a des gens qui peuvent y accéder à condition de ne plus jamais dormir. Donc, c'est ce qu'on appelle les chamans dans Humanidine. Voilà. Voilà, après, il se passe beaucoup de choses dans le contrée du rêve. C'est là qu'on peut trouver les esprits, les dieux, les fantômes, et un certain nombre de saloperies qui viennent dans notre monde. Et il me semble que s'il y a un PJ chaman dans le groupe, il faut le surveiller parce que s'il s'endort, le monde peut être détruit. S'il y a pas un truc comme ça. Voilà, c'est tout à fait cela. Faut pas qu'il dorme. Il met des claques s'il commence à piquer du nez, quoi. Mais ça suffit pas toujours. S'il s'endort, en fait, il y a des créatures qui justement peuvent s'échapper de cette dimension. En fait, c'est comme s'il était une porte vivante vers le monde, les contrées du rêve. À double tranchant. Voilà. Mais c'est très utile pour s'échapper. Sûr. L'Umbra de loup-garou, c'est peut-être proche aussi de ce concept de temps du rêve, je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Ben, en fait, on retrouve d'une certaine manière le temps du rêve, justement, dans Garou. Dans Werewolf Apocalypse, le temps du rêve existe en tant que dimension à part entière de l'Umbra. C'est l'Umbra de l'Australie, purement et simplement, tel qu'il est décrit dans le supplément Rajacross Australia. Voilà. Donc, avec ses esprits spécifiques, évidemment sa nature vraiment particulière à cette culture, voilà, et sa tribu également attitrée, etc. Tout y est, quoi. Donc, chez White Wolf, généralement, ils font dans l'exhaustif. Dans Loup-garou, l'Apocalypse, je connais pas le nouveau Loup-garou, je connais un tout petit peu l'Apocalypse. L'Umbra, tu t'en sers en fait entre guillemets comme niveau de perception supplémentaire souvent quand on observe, enfin quand on se prépare, quand on surveille une zone. Il y en a un qui va surveiller avec des moyens technologiques, genre des jumelles et compagnie. Mm-hmm. Et puis il y aura un petit rigolo qui lui va aller espionner l'endroit dans l'Umbra, quoi. Voilà. Et on a le même concept un peu dans l'espace astral à Shadowrun. Ouais, voilà. C'est quand on veut, on va dire, maîtriser la sécurité, on maîtrise la sécurité matricielle, la sécurité physique, donc avec les moyens, on va dire, conventionnels, et la sécurité astrale, où on va aussi percevoir dans l'astral s'il y a des dangers qui guettent, ou s'il y a tout simplement, on va dire, des systèmes de sécurité astrale, puisque là, dans Shadowrun, l'espace astral, comment dire, est aussi un espace de combat, quoi, dans lequel on se bat, justement. C'est une interface supplémentaire, voilà. Quoi. Voilà, donc c'est trois aspects, comment dire, à couvrir. Le flux de Polaris aussi, dans Polaris, justement, est un petit peu quelque chose de similaire. Ok, ouais. Je le voyais pas exactement comme ça, mais c'est vrai que après ça dépend de quelle possibilité on donne aux joueurs à ce niveau. C'est vrai. Ce qui est intéressant avec ces histoires de temps du rêve, d'astral et tout, c'est que justement comme les PJ peuvent l'utiliser comme outil entre guillemets ou comme espace de voyage, c'est une certitude que ça va être utilisé, quoi. Et je pense, on en reviendra plus tard, mais si on met de la réalité virtuelle dans un univers de jeu, si on veut qu'il soit fréquenté par les PJ, Il faut que ce soit utile d'y aller, en fait. Enfin, entre guillemets, c'est bête à dire, mais il faut une idée bêtement pragmatique. Et bon, après, je dis pas qu'on peut faire des scénarios entièrement dans l'astral, ou alors s'adresser à des joueurs qui sont particulièrement fascinés par ces thématiques. Mais déjà, si tu proposes, si clairement ça te permet de faire des trucs cool, d'aller dans l'astral, que ce soit espionner, récupérer des trucs ou combattre tes adversaires, eh ben c'est une garantie que les PJ vont l'explorer. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah, disons que ça demande quand même que les on va dire un personnage très spécifique qui soit créé pour justement utiliser cet espace, on va dire, de à la fois de liberté mais aussi cet espace de confrontation, parce que le MJ lui va l'utiliser surtout pour être un espace de confrontation supplémentaire et de découverte également, mais surtout aussi de confrontation. Enfin, je pense surtout à Shadowrun. Ouais, et c'est là où ça complique les choses ludiquement, c'est que si j'ai bien compris, effectivement, si t'as pas les systèmes à part entière. Si t'as pas les bonnes compétences, tu vas pas te remettre les pieds dans l'astral, quoi. C'est limite un peu comme le chaman à Humanidin. C'est le job d'un PJ en particulier d'aller là-bas, quoi. Comme dirait Alex, ça réclame un personnage qui est dédié, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux utiliser ces univers à part entière, peut-être plus pour aller y trouver des réponses. Et c'est ce qui peut faire généralement l'objet, effectivement, d'un scénario dédié. Et dans ces cas-là, effectivement, soit on file un nouveau perso, soit effectivement bah on fait dériver les persos tels qu'ils sont pour que tout le monde soit un peu à égalité plutôt qu'avec un joueur dédié, quoi. Bah, disons si on veut mettre en place un groupe équilibré, de toute façon il faut pas mettre faire l'impasse sur cette dimension, quoi, de toute façon, comme pour la matrice d'ailleurs d'une certaine manière. Il me semble que dans Loup-Garou le chaman n'a pas les mêmes stats quand il va dans l'Umbra que les autres, quoi. Enfin, il y a un truc, clairement, tu peux avoir un chaman tout faible dans le monde réel, et si tout le monde se balade dans l'Umbra, c'est le chaman qui sera plus fort que tous les autres. À Garou, en fait, tous sont capables d'aller dans l'Umbra, justement, ils ont tous des capacités équivalentes. Le chaman, il va être tout adapté, quoi. Mais le chaman, lui, va avoir des dons supplémentaires qui vont lui être très utiles dans l'Umbra, quoi, pour justement contacter les esprits, les amadouer, faire de la diplomatie avec eux, et trouver, comment dire, les passages pour aller plus vite là où ils veulent se rendre. C'est plus dans cette optique-là. Alors, je trouve que ça fait bien la transition avec le sujet d'Antoine. Si vous êtes d'accord, on va peut-être y passer. Là, c'était les rêves partagés. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, que ce soit à cause du fait que ce soit un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on est un jeu censé être plusieurs, on se retrouve souvent dans des situations où on est à plusieurs dans un rêve qui est commun, donc on peut interagir de manière libre avec des éléments issus de l'imaginaire d'un personnage partagé entre différents personnages. En l'occurrence, par exemple, pour le docteur Chastel, les personnages incarnent des gens dans la psyché de quelqu'un, donc ils sont plusieurs dans un imaginaire. Dans les féales, ce sont plusieurs personnes qui se mettent en commun un univers mental partagé. Ouais, bon, après, la matrice, tout ça, c'est encore un peu différent, parce que c'est par définition quelque chose de commun. Alors que, dans la vraie vie de tous les jours, les rêves sont quelque chose d'assez personnel. Il n'y a pas la connaissance de moyen de regarder dans les rêves des gens et même d'y interagir. Donc ça correspond pas à la réalité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus intéressant en jeu, ou parce qu'on n'a pas trouvé de moyen de faire intervenir une espèce de vision partagée sur un rêve d'une seule personne, c'est un peu pour moi c'est juste un biais du média jeu de rôle, en fait. Ça n'empêche que c'est très intéressant. Alice, je ferais peut-être un tout petit bémol. Je pense que des jeux comme Tout le monde est jeune, où tu joues, en fait, tout le monde joue un seul personnage, quelque part ça pourrait se rapprocher justement du concept de d'être dans un seul. Ouais, voilà, ouais, un seul rêve, ou en tout cas un seul monde censé partagé par une seule personne, mais quand même on arrive ludiquement à réunir plusieurs joueurs autour de ce concept. C'est vrai, mais c'est assez rare quand même. Et puis t'es censé jouer dans la réalité, dans tout le monde, enfin dans une réalité. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas, on pourrait imaginer une session de Tout le monde est John où tout le monde est dans un rêve de John, remarque. Ouais. Mais c'est déjà assez le bordel comme jeu. Mais il y a un côté très compétitif dans ce cas-là, en fait, aussi. De vouloir à tout prix reprendre le contrôle de ce qui se passe. Notamment qu'on a des incarnations. Alors, pour reprendre Tout le monde est jeune, en fait, Tout le monde est jeune, pour préciser, c'est un jeu où chacun joue une des personnalités multiples du personnage de John et où chacun reprend le contrôle de John à tour de rôle. Donc, voilà, c'est pour ça. L'idée, en fait, du rêve partagé, en fait, ça permet de mettre en commun à la fois des objectifs et de transmettre avec une espèce de facilité liée au fait que les choses ne sont pas réelles, de transmettre des idées, des sentiments, des émotions entre les joueurs de manière quasi matérielle. C'est-à-dire que j'aime assez, notamment au Féal, que les personnages créent des éléments de jeu, j'en sais rien, qui me décrivent, je leur dis, ben voilà, ils sont avec toi, t'es un peu triste à ce moment-là, décris-moi ce bâtiment en fonction de qu'est-ce que tu penses, de ce que tu ressens, de ce que vit ton personnage. Donc ils vont me décrire, voilà, c'est une grande colonnade avec des figures torturées, entrelacées, sculptées sur la pierre, le sol, en fait, il est légèrement marécageux. Enfin, en fonction de leurs propres émotions, ils vont pouvoir sculpter l'univers de manière très plastique, et peut-être prendre plus part à la construction de l'ambiance que dans la réalité classique du jeu, où finalement c'est un peu moi en tant que MJ, ou dans des jeux un peu plus narrativistes où c'est plus commun, l'ambiance, la construction de ce qui se passe. Moi j'aime bien pouvoir laisser un peu la main aux joueurs sur cette partie-là. Donc la plasticité m'intéresse pas mal. Ouais, t'as un partage des responsabilités qui est plus large, en fait, quand tu es dans les enclaves que quand tu es dans l'éveil, quoi. Ou là, on est sur un partage des responsabilités plus serré, où le MJ, c'est lui qui prend le décor et qui contrôle le décor et les figurants sont partagés, quoi. Alors que logiquement, si c'est quelque chose de rêvé, c'est quelque chose qui est peut-être pas de la responsabilité des personnages, mais qui est issu d'eux, en tout cas. Donc je considère souvent que c'est qu'ils sont les mieux placés pour en parler ou pour transmettre. Bon, par contre, ça peut être désarçonnant sur des joueurs qui sont pas habitués à ça. Mais est-ce que quel conseil donne le bouquin ? Je vais juste séparer ce que toi tu fais en tant que MJ et ce que fait le bouquin. Non, le bouquin est un peu plus sobre en termes de règles à ce niveau-là. D'accord. La construction de l'enclave, il y a bien des éléments communs. Chacun donne une couleur, en fait, une matière, par exemple du bois ou de l'ivoire ou de la pierre, et à partir de là, le MJ va construire l'enclave et donner un sens à l'enclave. Donc chacun donne sa pierre. Moi, j'essaie d'aller un peu plus loin en leur laissant vraiment donner des éléments. Alors, dans certains cas, ça marche très bien. La dernière fois que je l'ai fait, ça a donné un patchwork absolument injouable. Donc, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Mais dans tous les cas, le rêve partagé permet vraiment une plasticité et un rôle plus important des joueurs sur ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu as capturé une créature du néant puis qu'elle commence à prendre le contrôle de l'enclave ? Ouais. Ça, normalement, le contrôle de l'enclave, il me semble pas que ce soit tout à fait possible, ou alors c'est vraiment une créature qui va venir manipuler les personnages et du coup les utiliser eux-mêmes pour modifier l'enclave. Ce serait possible, mais on pourrait avoir du coup une espèce de corruption du décor, de choses qui changent, de choses qui disparaissent, voire même j'ai fait ça sur un autre jeu, sur Exalted, où j'ai simplement supprimé un personnage, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé, et que ce dernier-là, il était seul à se souvenir qu'il était avec les autres joueurs depuis le début, et les joueurs pensaient qu'il n'avait jamais existé, il était en prison, et donc du coup ça, c'était assez horrible, vraiment pas très sympa de faire ça. Mais il s'est senti isolé. Ah ouais, t'es vraiment un bâtard, en fait. Hein. mais ça, c'était chouette. Donc c'est possible de faire ça, de justement jouer sur... Ah ouais, peut-être même que par les contrées du rêve, par le rêve partagé, non seulement on va jouer sur l'ambiance, mais on va jouer sur l'intérieur des personnages, et on va rejoindre Eclipsaz. On va hacker les personnages dans leur inconscient. Et ça, c'est cool. Il y a un bruit étrange. Donc on parle de rêve partagé. Bon, l'enclave, si j'ai bien compris, c'est un rêve qui est essentiellement partagé par les PJ. Il me semble, quand on prend les contrées du rêve à l'appel de Cthulhu, c'est un rêve partagé par tout un tas de monde, en fait. Il y a des rêves partagés, en fait, qui sont extrêmement peuplés, quoi. Ben là, on va rejoindre un peu plus l'idée d'inconscient collectif. Enfin, en tout cas, c'est la personne que j'en ai de, un peu à la Jung plutôt qu'à la freudienne, mais on va avoir une idée de schéma, d'archétype commun à tout le monde, et que tout le monde va nourrir une espèce d'univers mental super vaste, super évolutif, mais avec quand même des choses qui existent, qui existeraient pour chaque être humain dans son inconscient, quoi. Alors c'est un peu fourbe comme manière de penser, parce que ça veut dire qu'on est tous basés sur le même moule, alors qu'on sait à peu près que culturellement c'est pas le cas. Mais c'est pas inintéressant en jeu, parce que ça veut dire que chacun peut communiquer avec les autres sur une même base, un même modèle. On voit dans les contrées du rêve notamment que c'est un inconscient collectif, mais tout le monde n'a pas la même emprise dessus. En fait, il y a des entre guillemets, il y a des gens qui sont dans les contrées du rêve, ils s'en rendent même pas compte en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un avatar dans les contrées du rêve, mais ils se rappellent pas de leur rêve. C'est un peu quelqu'un qui aurait un compte sur Facebook. En fait, moi je vois vraiment ces réalités partagées comme des réseaux sociaux en fait. C'est un peu comme un gars qui aurait un compte sur Facebook mais qui se loguerait jamais en fait. Ou voire même qu'on lui aurait créé un compte et il n'est pas au courant. Et puis, complètement de l'autre côté de l'échelle, on a des rêveurs ultra puissants qui sont capables de complètement refaçonner leur partie du monde, créer des villes entières. Créer les comptes des autres personnes. Ouais, voilà, exactement. Ou créer des PNJ, c'est-à-dire créer des créatures ou des êtres qui n'ont pas leur équivalent dans le monde de l'éveil. Ou également créer des comme les enfers personnels de culte, créer des rêves de poche ou qui là du coup sont par contre très fermés, il y a qu'un certain nombre de personnes qui y ont accès. Ouais, tout à fait, mais il me semble que c'est un peu compliqué. À la fois c'est un biais, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui auraient plus de pouvoir que d'autres sur le jeu. On peut imaginer une compétence, tu vois, de rêve, quoi. De classe de perso, hein, comme les chamans dans Humanine, c'est une classe de perso quelque part, en fait, qui a eu accès à ça et que les autres n'ont pas. Après, est-ce que c'est pas un peu dommage que du coup, si on n'a pas ce type de compétence ou ce type de perso à sa table, on puisse pas jouer ça Bon, je prends un peu le pas sur ma liste de Noël, mais j'aime bien l'idée que chacun puisse faire un peu ce qu'il a envie, même s'il n'a pas bien choisi sa classe de perso au début, quoi. Ouais. Par exemple, dans Influenza, quand on joue des scènes oniriques, ta capacité à modeler le monde onirique, elle va pas dépendre en fait de tes compétences. Elle va dépendre uniquement de ton envie en tant que joueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as envie de crafter, il suffit de fixer comme objectif de conflit, dire cette maison, je vais la transformer en château. Par le moment où tu désires le faire, ça devient possible. Et en fait, je pense que dans les contrées du rêve, c'est un peu l'idée. Aussi, c'est que tout le monde est capable de crafter le rêve, hein, mais c'est juste qu'il faut en concevoir l'idée. Et par exemple, quand on a joué dans la forêt du docteur, on a fait donc une partie onirique à Influenza là, c'est le premier podcast Outsider, la forêt du docteur Chestel. Il y a un moment, il y a une joueuse qui demande modifier le rêve, quoi. Et je lui dis que c'est peut-être possible. Et en fait, elle a pas saisi la balle. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait suffi de fixer comme objectif d'un conflit une modification du rêve, et ça aurait marché. Et ce qui était intéressant, c'était de voir qu'en fait, le personnage ou la joueuse, si on veut, quoi, était dans le rêve, mais encore pas tout à fait éveillée dans ce rêve. Elle n'avait encore pas pris possession des lieux au point de vraiment tenter de modifier les choses, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au rêve partagé, sinon on va peut-être passer au prochain thème. C'est bon pour moi. Non, c'est bon. Okay. Je crois qu'après on passait à Romain. Ouais. Et Romain, tu avais prévu de nous parler de mince. Je vais non, c'est plus la campagne. Donc, ah oui, ta campagne Eclipse Phase, ouais. Que je suis en train de masteriser. J'ai démarré les choses en utilisant ce ressort dramatique qu'on n'utilise pas assez, qui est l'amnésie. Donc mes joueurs se sont réveillés amnésiques. Ils se sont réveillés dans un endroit. Enfin, disons que la campagne précédente s'est terminée sur leur mort pour sauver le monde, évidemment. Et donc là, à ce moment-là, ils se réveillent sur on va dire un siège un peu à la Matrix et amnésique. Et donc en fait ils comprennent qu'ils étaient déjà dans la campagne précédente dans une réalité virtuelle. Là-dessus donc ils se réveillent dans l'univers d'Eclipse Phase. Ils comprennent que plus ou moins ils ont été victimes de trafic de psychochirurgie puisque c'est le nom dédié à la discipline dans l'univers d'Eclipse Phase. Et donc suite à ça, ils commencent un petit peu à découvrir l'univers d'Eclipse Phase, ce qui est bien parce que moi aussi je le découvrais un petit peu aussi à ce moment-là. Et bon, quoi, comme on l'a vu, c'est pas forcément un univers très simple à aborder. Et là-dessus, donc un petit peu plus tard, ils vont rencontrer donc un autre psycho-hacker qui lui va leur dire écoutez, moi les gars, si vous voulez, j'ai un programme. Ça permet d'aller dans l'inconscient de l'un d'entre vous et à partir de là, peut-être au sein de cet inconscient, vous allez pouvoir retrouver votre passé. Ah, les mecs, évidemment, oui, on y va. Alors donc là-dessus, ils sont allés dans le premier inconscient d'un des joueurs qui était censé être dans sa vie passée un grand scientifique. Donc bon, j'ai essayé de trouver un univers relativement, on va dire, pragmatique et assez terre à terre. J'ai pris l'univers de Cops. Et donc là, effectivement, quand ils se sont assis dans le fauteuil dans Eclipse Phase, ils se sont réveillés donc suite à ça dans Cops. Avec donc une enquête à résoudre au terme de laquelle il y avait donc effectivement l'identité et le passé du joueur concerné, le scientifique dans lequel on est allé dans le passé. C'était quand même une expérience bien bien plaisante et qui a bien bien plu à mes joueurs. Et donc effectivement c'était une chouette expérience de réalité virtuelle. Donc du coup on a continué. J'avais un deuxième joueur dont je voulais un passé, bon les gars évidemment ils étaient en taule, on leur faisait des expériences dessus. Donc le premier était un scientifique un peu fou qui a développé des choses assez dangereuses. Le deuxième était un parrain de la pègre, dans l'univers d'Eclipse Phase toujours. Et donc là je me suis dit que relativement à la pègre, il y avait une notion donc effectivement d'honneur et de réputation qui était très très importante. Donc là, du coup, je les ai fait basculer dans l'univers de la légende des cinq. Donc là aussi, pareil, quelques scénarios de la légende des cinq anneaux à résoudre, au terme duquel on pouvait retrouver donc son identité. Bon, comment est-ce que j'ai fait ça d'un point de vue pratico-politique ? Notamment, je me rappelle dans la légende des cinq anneaux, il avait un copain du clan de la licorne qui avait ramené des objets qui lui ont rappelé son passé, notamment quand il était encore sur Terre, puisque je rappelle, la Terre est morte dans l'Eclipse. Et donc enfin, le troisième personnage, donc qui est un peu un personnage de guerrier et d'assassin, où donc là on est en train de jouer dans l'univers du Dead Blanc, qui à mon sens est un bon univers, qui est un univers relativement chaotique, violent et assez meurtrier. Donc voilà, c'est et en plus je trouve que ce qui est pas inintéressant, c'est que donc dans l'univers de Deadlands, on peut être amené à jouer des déterrés, donc des gens qui reviennent de la mort avec à leur côté un Manitou qui a le contrôle du MJ, avec qui ils vont partager ce corps-là, qui je pense restera ensuite donc dans la campagne d'Eclipse Phase quand mes joueurs seront venus donc de ce troisième voyage incroyable. Voilà, je trouvais que c'était une belle manière dans Eclipse Phase, un peu à la façon Matrix, de pouvoir effectivement aller se promener dans des réalités virtuelles et donc carrément d'aller directement dans d'autres univers de jeux de rôle. Alors moi j'ai une question du coup. Donc là par exemple, quand tu amènes tes joueurs dans Deadlands où en fait ils se refont des nouvelles créations de perso et tout. Ouais. Comment tu fais pour à la fois pour quel lien tu fais avec la campagne d'Eclipse Phase, avec ce qui se passe dans Eclipse Phase, et puis également est-ce qu'il y a une action mécanique sur la feuille de perso, et aussi comment tu maintiens des enjeux en fait, est-ce que les joueurs se sentent pas désinvestis des enjeux en se disant bah de toute façon la campagne Deadlands c'est du rêve, on s'en fout un peu des conséquences quoi. Disons que vu que dans Deadlands c'est pas des joueurs qui sont très très forts, ils ont du mal à avoir de très très lourdes interactions avec l'univers de Deadlands. Après, ils ne vont pas s'en désintéresser dans le sens où, justement, j'ai réussi un petit peu à croiser des choses. J'avais laissé glisser des noms dans ses rêves quand elle était encore en train de jouer dans Eclipse Phase. Là, c'est des noms qui réapparaissent dans Deadlands. Forcément, bon, tout de suite, ça attise la curiosité et on veut aller savoir ce qui se passe, quoi. En l'occurrence, ce sera un nom qui sera écrit sur une tombe. C'est probablement dans la tombe que se trouveront tous ses souvenirs. Et est-ce que les PJ, quand ils sont dans Deadlands, est-ce qu'ils ont conscience d'être des avatars en fait dans une réalité virtuelle? On s'est posé la question, on s'est posé la question, et effectivement sur le premier scénario de Deadlands, on a un peu pris plaisir à entretenir le flou, notamment quand les joueurs se retrouvent entre eux. Il leur faut un petit peu de temps pour se reconnaître les uns les autres. Donc effectivement au début ils se sont un peu tapés sur la gueule. Mais on va dire au bout d'un certain laps de temps, si quand même ils réussissent à se reconnaître, ils savent qu'effectivement ils ne sont que des avatars dans cet univers-là. Et donc tu parlais qu'on retrouvait des noms, il y avait des noms qui étaient récurrents. Bon, si j'ai bien compris, c'est quand même plutôt clairsemé, quoi. Est-ce que c'est envisageable de croiser un PNJ qui est en fait l'avatar d'un autre PNJ dans Eclipse Phase, quoi? Il va dire, ah bah tiens, on s'est vu, on s'est connu à la station machin. Enfin, je pense qu'il va pas dire devant tout le monde, parce qu'il y a, j'imagine que la plupart des gens du monde de Deadlands seraient étonnés, mais peut-être qu'il va prendre ton PJ en aparté et faire, ouais, je te connais parce que je t'ai rencontré sur Mars. Je sais Alors, pas, c'était, est-ce que si t'as envisagé ça? en général, ça serait possible. Là, tel que dans l'approche, je pense pas, puisqu'on n'est que dans l'inconscient d'un DPJ. Donc, ça serait plus une manifestation toujours de son inconscient. Effectivement, je vais glisser en fait des personnifications d'ennemis ou des projections d'ennemis dans la campagne de Deadlands, comme je l'avais déjà fait dans L5A. Pas dans Cops, mais dans là, c'est prévu. Mais ce ne sont effectivement que des projections mentales du PJ. C'est pas un vrai PNJ qui aurait pu être présent dans les deux à la fois. Ah, ok, ouais. Ouais, il n'y a pas des menaces, par exemple, qui essayent de corrompre ou d'envahir le monde de Deadlands depuis Eclipse Phase? Alors, si il y a quand même des ennemis qui, bah, si y a un ennemi dans Deadlands qui, effectivement, au moment où il va révéler son identité, le joueur va se souvenir que c'était également son ennemi dans l'univers d'Eclipse Et Phase. ça y est, tes joueurs peuvent pas écouter le podcast. Et oui, c'est pas grave. Non, mais ils seront mis au courant normalement, soit cet après-midi, soit la prochaine séance. Bon, ça Ouais, je te mets la pression parce que je vais sans doute sortir le podcast demain. Ça marche. Il n'y a pas que sur sa campagne où on spoil, hein, quand même. Sur certains univers, Ouais, on a rien dit spoilé. sur Pas non plus Q. être trop salopard. Il y en a qui vont nous en vouloir, des MJ qui vont porter plainte. Tu mettras une alerte spoilers Ouais, demain. c'est clair, quoi. Spoilers inside. Ok, bah si tu veux bien, je vais passer à mon concept à moi. Vas-y. En fait, mon concept, c'est, on va dire, si j'avais un seul truc à mettre sur ma liste ma liste au Père Noël, concernant les jeux qui traitent d'onirisme, de réalité virtuelle et compagnie, c'est mettre des interactions entre le réel et le virtuel, quoi. Que les deux soient pas imperméables. Ouais, Ça, suis d'accord, je l'ai été noté. c'est un truc qui Ouais, me tient à je cœur, crois. quoi. C'est étonnamment assez rare, je trouve. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est peut-être, bah, c'est compliqué à mettre en place parce que ça veut dire quoi? Ah Est-ce qu'on a oui, deux clairement, grosse excuse persos? scénaristique. Effectivement, ça, généralement, si on fait ça, ça reconfigure complètement l'intention du jeu, quoi. Sauf Par si tu exemple, estimes que c'est sera un intégré gros dès le coup dans le début dans le jeu, jeu, je Ouais, pense. imaginons, je sais pas, les contrées du rêve. Que les contrées du rêve. Moi, j'ai fait une campagne de l'appel de Cthulhu, où en fait les PJ ils utilisaient les contrées du rêve comme une interface supplémentaire, comme un réseau social. C'était vraiment ça, parce qu'en plus c'était une campagne en play-by forum. Donc en fait les joueurs et les personnages étaient, enfin les joueurs déjà se voyaient pas souvent physiquement. Les personnages étaient des fois aux quatre coins du monde, voire de l'univers. Donc les personnages avaient du mal à se rencontrer physiquement. Et en fait, ils avaient quand même besoin de bosser ensemble, notamment parce qu'ils contraient des menaces telles type Grands Anciens, des menaces qui concernaient l'univers entier, quoi. Donc même à des années-lumière de distance, il fallait qu'ils se coordonnent pour faire des actions communes. Et donc ils utilisaient les contrées du rêve pour se rencontrer et pour mettre au point des plans, quoi. Vraiment comme réseau social, quoi. Et en plus, on le faisait vraiment parce que, si tu veux, on avait mis en place un forum où le forum, c'était un forum internet qui était les contrées du rêve, quoi. Et du coup, les joueurs, ils communiquaient en temps réel là-dessus, quoi. C'était assez sympa. Je vais vous donner un autre exemple d'interaction, mais du coup, ça reconfigurait complètement, tu vois, les contrées du rêve étaient vues d'une façon complètement différente, quoi. Mais ça, c'est marrant que les joueurs aient des fois cette opportunité-là, parce que clairement, dans Eclipse Phase, je vais dire, ils sont tous perpétuellement connectés les uns aux autres, quoi. Par contre, d'un coup, tu leur fais sauter ça, quoi. Genre, juste, ah putain, mais attends, on s'envoie un télégraphe, là. Ça désarçonne quand même. Mais c'est vrai, quoi, il faudrait plus d'interaction probablement entre les deux, ouais. Ouais. Surtout que moi, ça me tient beaucoup à cœur la réalité virtuelle comme réseau social, parce qu'en plus, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, quoi. Si on voit par exemple des jeux comme World of Warcraft, c'est à la fois une réalité virtuelle, mais c'est aussi un réseau social, quoi. Il y a des gens, en fait, dans le monde de WoW, ils y vont plus pour le social que pour le jeu, quoi. Et il y a des gens qui ont carrément une vie parallèle dans le monde. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée, en fait, qui a rencontré son mec dans le jeu. Ils se sont d'abord mariés dans le jeu. Enfin, leur avatar se sont mariés, quoi. Et après, quand ils se sont mariés dans la vie réelle, elle s'est fait tailler une robe comme la robe de son avatar dans WoW. Ouais, c'est que ça a une importance énorme pour eux. Bon, on m'a invité à devenir le fils de deux potes qui s'étaient mariés en jeu, mais... tu veux devenir mon fils? C'est génial, cette phrase. Mais c'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu veux venir commencer à jouer? Tu joueras mon fils. On s'est marié avec un pote. Bon, lui, il y en a un qui joue un personnage féminin. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. C'était juste leur trip, en fait. D'avoir une famille en jeu, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Et donc, pour poursuivre sur ce thème, je vais aussi vous donner un autre exemple de jeu. Donc c'est dans le jeu Inflorenza. Donc Inflorenza, c'est un jeu que moi j'ai écrit. Dans Inflorenza, c'est le bien. Voilà, Inflorenza, c'est le bien, mangez-en. Dans Inflorenza, il y a un concept qui est assez important, c'est l'égrégore. Bon, pour faire super courte, c'est une énergie magique qui baigne le monde de Milvaux, hein. Et en fait, c'est cette énergie magique, elle est composée de c'est l'énergie, en fait, c'est l'énergie psychique des gens, quoi, tout simplement. Et tu peux interagir avec le monde en manipulant l'égrégore. C'est important parce que du coup, en termes de jeu, on peut faire on joue un conflit, je sais pas, contre un adversaire. Nos deux PJ sont séparés même de 50 km. Et ben en fait, il y en a un qui est devant le monstre et qui frappe. L'autre, il peut aider, c'est-à-dire techniquement, il va donner des dés par l'intermédiaire de l'égrégore. En fait, il utilise l'énergie psychique pour aider à distance. Et donc, on a fait un scénar, la méthode la forêt du docteur Chestel, là, donc c'est dans le premier podcast Outsider, vous pouvez écouter, où en fait, il y a un PJ qui est réveillé parce qu'il surveille la zone. Les autres sont endormis, sont dans un rêve partagé. Et en fait, le PJ qui est réveillé, il peut aider ceux qui sont dans le rêve s'ils ont des problèmes. Ils peuvent filer des dés, en fait, par l'intermédiaire de l'égrégore, tout simplement. Donc tu te fais attaquer par un monstre dans le rêve, ton copain qui est réveillé, il t'aide, en fait, il arrive, il peut te filer des dés. Et inversement, en fait, il y a un moment, le copain dans le bunker, il a des problèmes parce qu'il y a des monstres qui commencent à rentrer dans le bunker. Et ben les mecs qui sont endormis arrivent à lui, sont conscients de ce qui se passe par l'intermédiaire de l'égrégore et arrivent à lui filer des dés alors qu'ils sont endormis. Et je vais aller plus loin avec un exemple dans un autre scénar d'Inforenza qu'on avait fait. Il y a deux personnages. Il y a le gardien du feu. Ben en fait, c'est un peu comme dans la guerre du feu, quoi. Il protège le feu et qui doit absolument pas s'éteindre. Et il y a le gardien du livre. En fait, c'est un livre où toutes les possessions des persos sont notées. Enfin, c'est vraiment important pour lui, le livre. Le gardien du livre est en train de dormir, il fait un rêve, et dans son rêve, il voit la gardienne du feu, oui, autant pour moi c'était une nana, il voit la gardienne du feu brûler son livre. C'est pas la vraie gardienne du feu, hein, c'est un rêve, quoi. Et en fait, on commence à, bah, il commence à me dire, j'éteins le feu en fait pour sauver mon livre. Et donc, dans Inforenza, en fait, quand il y a un conflit, on définit un objectif. C'est ce qui se passe si le conflit est gagné. Donc là, en fait, ce que j'ai dit, c'est, ok, ton objectif, c'est éteindre le feu pour sauver ton livre. Mais si tu fais ça, tu dois savoir que à cause de l'égrégore, le feu va aussi s'éteindre dans la réalité. Catastrophe pour la gardienne du feu, hein, vous comprenez. Et inversement, on définit aussi un contre-objectif, c'est ce qui se passe quand le conflit est perdu. Et donc là, je dis, si contre-objectif, si tu perds effectivement dans le rêve, tu n'arrives pas à éteindre le feu, tu n'arrives pas à sauver ton livre brûle, mais il va aussi brûler dans la réalité. Et là, à ce moment-là, je dis, mais au fait, dans la réalité, il est où ton livre? Bah, je dis, bah, comme le joueur me répond, bah, comme c'est super important pour moi, si tu veux, le livre, je m'en sers comme d'oreiller, quoi. Il est sous ma tête. Et donc, en fait, s'il perdait le conflit, eh bien, le livre allait carrément donc brûler spontanément dans la réalité et carrément lui cramer la tête par la même occasion. Donc, déjà, dans ce conflit, il y avait vraiment une interaction très forte entre le réel et l'onirique. Et en plus de ça, interaction d'autant plus importante qu'en fait, les autres joueurs pouvaient donner des dés pour pousser dans une direction ou dans l'autre. Par exemple, la gardienne du feu, qui elle était réveillée, elle n'était pas en train de dormir. Elle a donné des dés pour sauver son livre dans le rêve, parce qu'il fallait aussi qu'elle sauve son livre dans la réalité. Donc on a fait et pareil, les autres joueurs se sont positionnés dans un camp ou dans un autre. Donc voilà, moi c'est clairement mon désir pour des jeux qui traitent de l'onirisme. C'est qui est vraiment ce que tu fais dans le monde du rêve ou dans un monde dans une réalité virtuelle, hein, n'importe. Hein. Faut que ça ait des conséquences dans le monde du réel. Bah, le truc le plus basique aussi, c'est dans Inception ou dans Matrix. Si tu meurs dans le monde virtuel, tu peux mourir dans le monde réel, quoi. Tu fais un arrêt cardiaque. Dans la Kuna, c'est possible aussi, hein. Mais bon, on va dire que le fait que ton perso puisse mourir d'un arrêt cardiaque, c'est juste le petit bout de la lorgnette. Je pense qu'il y a nettement plus à faire en matière d'interaction entre les réels et les virtuels. Il y a utilisé le monde virtuel comme un réseau social, j'ai déjà évoqué. Il y a effectivement aussi, si on admet pas mal de surnaturel, bah vraiment effectivement une interaction, des choses qui se passent dans le monde réel arrivent dans le virtuel et inversement, quoi. Voilà, Par rapport chaque dimension déborde l'une sur l'autre. Ouais, tout à fait, ouais. Et par rapport à la mort, dans Shadowrun, on peut se griller le cerveau assez facilement, il me semble. Ouais, carrément, ouais. Et oui, après, à voir si le MJ peut imaginer que l'esprit du hacker, du decker plus précisément, parvient à survivre justement à cette expérience et que son esprit, on va dire, survit d'une manière ou d'une autre dans la matrice. Chose Mais quand même qui est écoute très ça. évoquée, chose qui est très très évoquée quand même dans la littérature cyberpunk. Tout à fait. Je vais revenir sur ce que tu disais, Thomas, là, concernant les interactions entre les deux. Ouais, je pense qu'après tu pourras embrayer sur ta liste au Père Noël. D'accord, ça marche. J'aurais souhaité faire, je pense que je le ferais, je trouvais que ça s'y prêtait bien pour Agon, alors après, voir comment le décliner dans l'univers. Une campagne, on va dire, où les joueurs jouent quelque part, mais en même temps, il faut qu'ils gèrent leur royaume, qui est une thématique assez forte dans Agon, avec les moyens qui sont à leur disposition, c'est-à-dire, on va dire, sur support épistolaire. Et je pense qu'effectivement, ça peut être un bon moyen d'interaction, puisque tu avais l'air de dire que ça pouvait manquer. Effectivement, je trouvais que la correspondance épistolaire entre, on va dire, un PNJ qui est toujours dans le royaume et les joueurs, on peut imaginer de quelle manière est-ce que les comptes rendus sont faits, genre oui, votre château est en train de brûler, ah merde, bon alors on prend l'armée, etc. Je pense que ça peut effectivement être un moyen de faire des interactions un petit peu rigolotes. Alors effectivement, voir de quelle manière est-ce qu'on les limite ou est-ce qu'on les rend plutôt intégrales, quoi. Donc voilà. Après, concernant ma liste au Père Noël. Vas-y, fais-toi plaisir. ce que j'aurais tendance à souhaiter, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, on a affaire à des... Enfin, que ce soit de l'onirisme, que ce soit des drogues ou des réalités virtuelles, c'est un petit peu normal de voir qu'elles ne sont attachantes pour le personnage que si jamais ça lui est, on va dire, individualisé ou personnalisé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mais bon, ça c'est une remarque qu'on peut faire d'une manière générale un peu à l'univers du jeu de rôle. C'est vrai que à chaque fois on a un petit peu des choses qui sont manquantes pour le groupe dans son intégralité. Alors c'est vrai que tout à l'heure là on parlait d'un jeu de rôle où tous les joueurs étaient amenés à gérer le même personnage, peut-être pas de manière aussi extrémiste, mais avoir un motivateur de groupe, parce que bon c'est vrai que si jamais on veut laisser la belle place, on va dire, aux joueurs pour qu'ils puissent développer leurs propres univers, comme tu l'évoquais tout à l'heure sur la chronique des Féas, tu demandes à tes joueurs effectivement de décrire leur propre hantise, leur propre cauchemar. Bon, ce sont des choses qui font vivre les joueurs. Mais du coup, c'est vrai que pour toi, en face, en tant que MJ, t'es là à dire putain, comment est-ce que je vais réussir à maintenir la cohésion de mon groupe là-dedans, quoi. Ouais, mais on fait ce grand écart-là tout le temps. On fait ce grand écart-là régulièrement. Voilà. Et alors, est-ce que il y a trop de choses qui ont été développées pour des choses individualistes et pas assez pour le groupe dans son intégralité? C'est peut-être une impression. Est-ce qu'elle est fugace? Est-ce qu'elle est avérée? J'en sais rien. Mais j'aurais tendance à peut-être tirer la corde dans ce sens-là, quoi. Et après, inversement, si je peux presque te contredire. Vas-y. Les rêves vraiment personnalisés, c'est-à-dire quand on est dans l'inconscient d'un joueur, comme par exemple ta campagne de Deadlands, en fait c'est l'inconscient d'un des joueurs, c'est finalement assez rare, parce que par exemple dans Chestel, tu vas dans l'inconscient d'un PNJ, dans les contrées du rêve, c'est un inconscient collectif sur lequel, qui ne te correspond pas du tout, quoi. Tu choisis pas, il y a telle créature dans les contrées du rêve, c'est comme ça, point barre. C'est pas du tout lié à la psyché de son perso, quoi. Mais pour le coup, dans Chestel, le groupe a un but commun qui est plus ou moins de soigner le patient, si jamais j'ai bien compris. Tout à fait, ouais. Alors que bon... c'est ça que t'appelles un motivateur de groupe. Hein. Ouais, voilà, ouais. Alors qu'effectivement, si jamais tu lâches tous tes joueurs avec leurs propres interactions et leurs propres motivateurs dans les contrées du rêve, bon, t'as 5 joueurs, il est tout à fait légitime qu'ils partent dans 5 directions différentes. Et on peut pas leur en tenir rigueur. Surtout si la réalité virtuelle est traitée comme un outil, comme par exemple c'est le cas de l'Umbra dans Loup-Garou, qui est clairement un outil. Et un univers de jeu à part entière. Mm-hmm. Ouais. Mm. Dans Chestel, par exemple, la réalité virtuelle, c'est une fin en soi, c'est pas un outil, quoi. Ouais. Oui. C'est Bon, après, peut-être qu'il faut, c'est bien d'avoir les deux, quoi. Ouais, les deux le paraissent accessibles, en tout cas. Voilà, voici. Ok, alors juste une question à toi, Romain, parce que t'avais dit que t'avais des petites contraintes horaires. Je sais pas si tu restes avec nous pour la suite ou si tu nous donnes congé. Si tu as une dernière question, elle est bienvenue, elle est la bienvenue, mais ce sera la dernière. Dis-moi. j'ai pas d'idée. Ah mince. Je sèche comme une. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi, Romain, d'avoir participé. Avec plaisir, navré de ne pas pouvoir rester, mais bon, si les MJ sont à la bourre après, c'est le bordel, quoi. Les MJ doivent être ponctuels, quoi. C'est clair. Okay, c'est tout à fait, quoi. Caler dans ton sens et abonder. Bon, bah. Bon, surtout, t'as intérêt à révéler les trucs que tu dois la révéler, vu que la podcast sort la semaine prochaine, donc les gros spoils sur ta campagne vont débarquer. Et donc, du coup, je ne peux pas être en retard. Voilà. Allez, passez un bon dimanche, les gars. Merci, toi aussi. Au revoir. Ciao. Ok, donc ensuite, j'avais noté qu'on a passé à Antoine pour la liste au Père Noël, mais Alex, t'es peut-être pressé aussi. Oh, non, moi, c'est pas de problème. Ok, donc Antoine, si vous voulez intervenir. Liste au Père Noël. Alors, Il me semble que ce qui me manque un peu, que ce soit dans les univers virtuels ou sur les mondes oniriques, c'est le manque d'entité réelle. C'est-à-dire que les gens font souvent, enfin mes joueurs m'ont déjà dit, bon, on s'en fout, il n'existe pas. Et alors que j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui soient pas forcément qui vivent uniquement là-dedans, mais ce serait cool aussi qu'il y ait des entités qui aient une vraie importance, qui découlent pas de la machine, qui aient leur vie indépendante, y compris dans les rêves des gens ou dans les illusions, dans les hallucinations des gens. Et ça donnerait peut-être des enjeux un peu plus intéressants et un peu plus forts, plutôt que de se dire bah c'est nul, je vais pas le sauver, de toute façon je l'ai imaginé, il n'existe pas. Quoi. Ouais, ou ça peut même être, je pense qu'il peut même y avoir des dérives dans le sens où tu te dis bah je peux buter ce mec là, de toute façon c'est comme un bot dans un MMO. Exactement. Et on peut la question c'est est-ce que les mecs dans le monde, enfin ce qui ressemble à des bots dans ce monde virtuel, est-ce qu'ils ont pas une sensibilité? Ouais, ils ont une vie indépendante complète quoi, quelque ouais. part. Dans les faits, c'est un peu différent parce que ce qu'il y a dans Nosgoth, c'est des reflets de la réalité. Donc on peut imaginer que si on tue quelqu'un dans Nosgoth, dans la réalité, il y a des effets. Mais c'est pas forcément le cas dans la plupart des univers. Donc voilà. Et ça rejoint aussi peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué finalement, toute la partie chamanique ou mythologique ou dans beaucoup de mythes antiques, les rêves étaient un moyen de communiquer avec les dieux. Dans Shadowrun, les totems communiquent notamment par les rêves. Tout à fait. Et là, justement, peut-être que les esprits peuvent exister indépendamment dans le monde du rêve, voire dans la matrice, pourquoi pas. Après tout, les drogues hallucinogènes étaient principalement utilisées à une époque dans certaines cultures pour communiquer avec le monde spirituel. Donc, pourquoi ne pas utiliser ça un peu plus, justement. Bah d'ailleurs dans par exemple dans Cthulhu, souvent le moyen, enfin un moyen de contacter les grands anciens, c'est de se camer quoi en fait pour voilà, pour voir Shub-Niggurath, pouvoir Nyarlathotep, en fait il faut y accéder par un état second. Ouais, mais il y a pas d'enjeu, c'est-à-dire que même si on rencontre pas de bol, tu rencontres Nyarlathotep dans ton rêve, bon déjà, perte de santé mentale massive. Voilà. Ça, c'est mais clair. Tu peux toujours lui foutre un coup de sabre laser parce que c'est dans un rêve, ça lui fera aucun effet et ça n'aura pas de conséquences dans la réalité. Bah après, conséquences dans la réalité, c'est peut-être, on parle de la santé mentale. Oui, voilà. Ouais. Dans Cthulhu, si tu fais, enfin, je crois qu'il y a une règle qui tamponne la perte de santé mentale. C'est du genre, si je perds 20 points de santé mentale dans le rêve, en fait, j'en ai perdu que 5 dans la réalité. Bon, je trouve ça un peu dommage. Moi, je serais plus ouais. sévère que ça. Ah, je pense que tu perdrais le même nombre de points. Je suis tout à fait d'accord sur ce point, oui. mais là, c'est vraiment des enjeux par rapport au personnage. Donc, ouais. Lui, ça lui fait quelque chose. Mais Nyarlathotep en face, il sera pas mort. Il n'aura pas de blessure. Enfin, il s'en fout, quoi. Alors que si on tue vraiment des vrais gens, qu'il y a des vraies conséquences, qui soit pas forcément directement pour le perso, mais qui se rend compte que s'il a fait du mal ou s'il a raté des choses dans le monde des rêves, ça a des vraies conséquences dans la réalité, pas que sur lui, mais sur d'autres gens. Quoi. Voilà, on pourrait imaginer une agence de tueurs à gages qui tue les gens en dans l'inconscient collectif. Hein. Et en fait, et toute personne que tu blesses dans cet inconscient collectif est une vraie personne dans la vie réelle, quoi. Ouais. Ou va vraiment exister dans le passé, d'ailleurs, soyons fous. Là, sur ce point, c'est vrai qu'il faut que le rêve ait le même impact, comment dire, ce qui est vrai. De toute façon, un cauchemar peut te traumatiser tout autant qu'une expérience que tu as vécue dans la vie réelle, je pense en tout cas. Mais parfois, le souvenir de certains de nos cauchemars d'enfance peuvent causer des traumatismes psychologiques, c'est avéré. C'est peut-être d'ailleurs une des dimensions qu'on n'a peut-être pas abordées, avec laquelle on avait parlé un petit peu avec Thomas, c'est justement la conscience qu'on a, on va dire l'idée qu'on se fait du rêve, qui est donc déjà un phénomène physiologique et aussi un phénomène un peu, on va dire, poétique, fantasmé. On a une vision très différente sur le rêve lui-même, quoi, d'une certaine manière. Il y a ce phénomène physiologique que l'on vit donc quand on va dormir, hein, voilà, la phase de sommeil paradoxale. Mais on va dire le rêve tel qu'on va l'imaginer, tel qu'on va le transcender d'une certaine manière, il aura pas du tout les mêmes composantes, il sera pas du tout comme en fait il se passe techniquement. Tu veux dire que le souvenir de ton rêve est différent de ce que t'as vraiment rêvé? Ah ben parfois on va peut-être même pouvoir déformer ouais. justement ce qu'on a rêvé. On sera pas sûr de ce qu'on a rêvé. Ça reste quand même quelque chose de qui se passe dans une période de temps. Le sommeil paradoxal, c'est très court, quoi. C'est quelques minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, ça reste quand même quelque chose de très très saccadé, très très elliptique justement. Donc voilà. Et quelque part, on donne presque du sens a posteriori à ce qu'on a vu. Voilà. Je sais pas si c'est d'ailleurs une idée. Si c'est nécessaire. Ou si du moins c'est une bonne idée, parce qu'on va le déformer d'une manière ou d'une autre. Et en essayant de s'en souvenir, parce que souvent on s'en souvient même pas forcément, on va de toute façon avoir on va réécrire le rêve d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, hein. Et justement, c'est un phénomène, comme tu disais, justement par rapport au mythe, qui a émaillé complètement toutes les cultures antiques et qui était vraiment le moyen, comment dire, de parler avec les dieux et d'avoir, comment dire, le message des dieux, comment dire, qui était rendu aux hommes, quoi. Ben, par exemple, comme la pitié de Delphes, donc, qui justement prenait des drogues pour avoir les oracles d'Apollon. Voilà. Oui. C'est aussi, Si je peux me permettre, là, de poursuivre sur ce que tu dis, Alex. Oui. En fait, si je comprends bien, il y a le rêve, ce qu'il est en réalité, dont on se rappelle de façon très partielle, il y a le souvenir du rêve, et il y a encore une troisième couche, c'est l'interprétation du rêve. C'est-à-dire que j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé que je portais un chapeau en métal, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, quoi? Et bon, bah, là, on a toute, l'interprétation freudienne, notamment, on peut imaginer si par exemple on joue un perso qui fait des rêves prémonitoires, justement, tac, tu lui balances un rêve et comment il va l'interpréter pour avoir des éléments sur l'enquête qu'ils sont en train de faire. Pour donner un exemple un peu concret par rapport à l'interprétation, quand on jouait à Shadowrun il y a quelques années avec ma compagne, elle jouait un chaman du corbeau et donc je prenais un certain nombre d'images sur internet que je pensais placer dans la partie. Et je collais tout sur une seule grosse image et je l'imprimais, je lui disais voilà, t'as rêvé de ça. Donc ça pouvait être une main sanglante, une tour, un truc. Et je lui laissais l'interprétation. Donc elle avait des idées de ce qui pouvait se passer, elle essayait de prévenir les autres, en général un peu à la Cassandre, donc en vain. Mais est-ce que c'est traité de hippie systématiquement? Et à chaque fois c'était « Ah oui, ce symbole, c'était ça, je vous l'avais dit qu'on était dans la merde ». Et voilà. Mais du coup, c'est un truc que j'ai utilisé pour justement simuler un peu cette partie-là du rêve du côté déconstruit et du côté justement, est-ce qu'on a là justement là, est-ce que ton interprétation du rêve de le présenter de cette manière est une quelque chose de réel et de tangible, quoi? Est-ce que ça correspond réellement à la réalité physiologique? C'est pour ça que j'ai même encore une quatrième dimension par rapport à ce que disait justement Thomas, c'est la dimension un peu littéraire et poétique du rêve. C'est la manière dont on va l'utiliser, comment dire, artistiquement parlant, pour signifier des choses. Et là, c'est encore quelque chose d'autre. On est même encore au-delà de l'interprétation. Enfin, du moins, elle découle de l'interprétation. Cerveau, je pense que c'est la partie cognitive du cerveau dont la fonction est de donner du sens à ce qu'il perçoit, qui est vraiment bien après, quoi. On reçoit des idées, des symboles, des images, qui les choses. Je vous renvoie vers Freud. Mais après, nous, on en donne un sens avec notre culture, avec ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et à partir de ça, on peut l'utiliser comme matière, comme entrant pour faire de la créativité derrière. Ouais, si je peux me permettre, faut que je place une référence bibliographique que m'a demandé de citer Daniel Danjon, l'auteur de La méthode du docteur Chestel. Il utilise beaucoup le dictionnaire de la symbolique de Georges Romet. Et c'est vrai que les rêves, ce sont que des symboles. Bah, tu l'as expliqué, Antoine, avec ta liste d'images qu'il faut interpréter. Et des fois, le rôle du rêve, c'est justement que ça, transmettre des symboles. Moi, j'ai écrit une campagne là, qui est parue dans un dissident qui s'appelle Vidéodrone, où en fait les persos en fait sont connectés. Par une réalité virtuelle, mais ça sert de moyen de communication en fait à la base, mais leur réalité est hackée en fait par une espèce de pirate et qui leur envoie notamment des cauchemars, mais juste pour les perturber en fait, les cauchemars ou des scènes où leurs proches se font traumatiser ou des choses comme ça. Et en fait le but du rêve, la façon dont le hacker utilise la réalité virtuelle et le rêve, c'est uniquement pour en envoyer des symboles et des messages traumatisants pour altérer en fait la volonté des persos, quoi. Juste un petit ajout à la liste au Père Noël, même si ça m'intéresse pas énormément, c'est un sujet qui peut peut-être en intéresser d'autres, c'est la gestion du temps, c'est-à-dire que le temps s'écoule pas forcément de la même façon dans les rêves, dans la matrice, dans Faerî, si on prend les contes celtes. Le temps s'écoule pas de la même façon. Donc dans Rêve de Dragon, il y a des ellipses, par exemple. Un voyage s'écoule en une seconde. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à jouer aussi. Tout ça, c'était un rêve, ça a duré qu'une seconde, et tu peux te réveiller à temps pour éviter le drame. Ou au contraire, t'as dormi pendant 3 siècles, et voilà ce qui s'est passé pendant. Et aussi, au niveau du temps, par exemple, dans les contrées du rêve, je crois que t'as ça dans Kadath. Tu peux rencontrer dans les contrées du rêve des personnes qui sont mortes depuis des siècles. Tout à fait. Parce que ils sont... Oui, alors le temps, là, il est plus linéaire, en plus, dans Kadath. C'est-à-dire que et ça veut pas dire qu'elles sont mortes en fait au moment où tu les contactes. Non, ils sont en train de rêver eux. Mais ils sont en train de rêver, mais eux, ils sont en 1660. Voilà. Ouais, ça c'est cool aussi, c'est vrai. C'est vrai que jouer sur la temporalité comme ça, c'est aussi un facteur très propice à pas mal d'intrigues et à. Ouais. Et même, on va dire, voilà, après on peut les faire même rejaillir, on va dire, dans la manière de jouer, la manière d'installer la partie, justement, en faisant jouer, par exemple, là, j'ai déjà fait en temps limité, comment dire, une certaine partie, mais en temps limité réellement dans le temps réel, dans la réalité, puisque comme on en avait parlé d'ailleurs avec Thomas, que d'une certaine manière, même notre pratique du jeu de rôle est une réalité virtuelle en soi. Tout à fait. Donc, complètement, on peut jouer justement aussi sur le méta-jeu d'une certaine manière aussi, en justement incluant ce facteur temps qui va donner, comment dire, une intensité dramatique. Ça me rappelle en convention, on jouait un jeu perso amateur qui s'appelle Cryo, où les gens étaient projetés depuis leur époque dans un futur très lointain. Donc chaque personnage avait un nouveau personnage. J'avais un inquisiteur, un légionnaire romain, quelqu'un du 23e siècle, et un des joueurs s'est retrouvé. Alors voilà, toi c'est toi. Tu as comme matériel ce que tu as sur toi maintenant, et tu sais ce que toi tu sais. Et c'était assez désarçonnant pour lui, mais c'était cool. À un moment, il me dit, c'est simple, je sors ma pince multifonction, je coupe ça, et je lui dis, attends, t'as une pince, et puis il me sort exactement ce qu'il avait, quoi. Une espèce d'outil super bizarre avec un couteau, une pince, une petite scie, une boussole et tout. Je fais, ok, merci. c'est cool, tu sais faire ça. Mais ouais, ça c'est cool, c'est vrai que. Un autre jeu, tiens, que tu m'y fais penser en disant cela, c'est Hurlement, justement, où on se joue soi, en fait, dedans. Transposé, comment dire, dans l'univers médiéval d'Hurlement, certes, qui est en fait une... Bon, alors je vais pas spoiler le jeu non plus, parce que là... Il y en a plein d'autres qui vont vous bouchez-vous les oreilles. Mais bon, dans Hurlement... Je n'entends pas ce que tu dis, Le jeu de rôle de l'initié, donc voilà, c'est lui. Et il y a le même concept, justement, on joue son propre personnage. Mm-hmm. Et son personnage, c'est soi, mais transposé, comment dire, à l'époque médiévale, donc avec toute la dimension, on va dire, des changes-formes, de la culture, la communauté, etc. Sachant le joueur le sait pas au départ. Nous, on a fait un début de campagne d'Hurlement, ils nous ont juste dit vous avez le même prénom. Voilà. On choisit pas son prénom. Moi, je m'appelle Thomas, dans le jeu, je m'appelais Thomas. Quoi. Voilà, tout à fait. Rejoint pas un petit peu. J'y ai joué que de rares fois, donc je connais pas bien le contenu, mais sur Sens Connaissance, est-ce qu'il n'y a pas des choses liées à ça? Il y a un monde, en effet, comment dire, l'ombre du monde dont j'avais entendu justement parler de cela. On en parle parce que c'est très important, en fait. Ouais. L'ombre monde, je ne sais plus comment il s'appelle le terme exact, mais il y a aussi, comment dire, une dimension, on va dire, parallèle qui est le reflet, en fait, justement, du monde où, justement. Alors, je pense pas que c'est ça d'Antoine veut parler. Moi, je te coupe. Ouais. Mais en fait, je pense qu'Antoine, tu fais référence au scénario d'initiation de Sens Renaissance. Ouais, qui s'appelle Chrysalide, je crois. C'est ça. Alors attention, je vais spoiler comme un encore, gros pas, je vous ferai rien. Hein. Donc bon, grosso modo, dans Chrysalide, les mecs qui jouent un scénar dans le monde SF de Sens Renaissance, c'est pas de problème, quoi. Et en fait, à un moment, il découvre des gens dans des cuves en train de dormir. Et ces gens, c'est effectivement les joueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi, Thomas, je suis en train de jouer mon perso Ascense Renaissance, qui n'est pas moi, il a pas le même nom, tout ça, ce que tu veux, quoi. Et puis à un moment, je découvre une cuve où le PNJ qui est dans la cuve, en fait, c'est le vrai Thomas, quoi, en train de dormir, quoi. Ça m'a fait un beau petit effet de flip sur le moment. Mais cela dit, pour avoir lu Sens Renaissance et Sens Mort, j'ai l'impression que le scénario d'initiation, en fait, est hors sujet. Enfin, c'est pas le sujet de Ah, Sens d'accord. Renaissance. Ok. D'accord. Bon. Par contre, Dommage. si vous voulez parler de l'Ombre Monde, est-ce que vous êtes d'accord si on parle de l'Ombre Monde aussi? Oui, bien sûr. Vas-y, tu en sais plus que moi, car moi, j'ai juste Ouais. effleuré le sujet. Voilà, je connais Sens avant tout par les podcasts de la cellule. J'ai vu le titre d'initiation, mais j'ai pas encore pu lire les livres. Ouais. Donc, Donc dans l'univers, alors c'est surtout l'Ombre Monde est traité dans Sens Renaissance et dans la suite qui est Sens Mort, mais je vais surtout m'intéresser à ce qu'on en dit dans Sens Renaissance. En fait, il y a un tyran, donc c'est dans le futur, il y a un tyran qui s'appelle Miphos. Qui a conquis en fait le système solaire. Et il l'a fait comment? Il l'a fait grâce à une machine qu'il a conçue. Bon, il l'a pas conçue tout seul, mais c'est une autre histoire. Cette machine s'appelle Cosmo et Rebirth. Et c'est une machine qui a connaissance de tous les faits de l'univers. En fait, grosso modo, c'est l'aboutissement total de la science, quoi. C'est-à-dire que la science a été poussée à un tel paroxysme que en fait, on connaît tout. Tout est connu. Et donc tous les paramètres, tous les faits du monde connu sont rentrés dans la machine, et la machine fait une simulation du monde. C'est-à-dire qu'elle reproduit sous forme de monde virtuel, elle reproduit le monde réel. Et en fait, ça a donné un avantage tactique énorme à Miphos, parce que par exemple, il y a des résistants qui s'opposent à sa tyrannie, sauf que lui, il va faire une petite balade dans le monde virtuel, et il sait, il va trouver où sont planqués les résistants, vous voyez? Et donc, grâce à ça, il est omniscient, il est complètement omniscient, et donc il arrive à prendre le pouvoir. On retourne le truc, d'ailleurs, dans Sens Mort, il y a un truc très intéressant, c'est que les scientifiques qui font des, en fait, quand ils font, ils continuent à faire des recherches scientifiques, mais ils arrêtent de les faire dans le monde réel, ils vont dans l'ombre monde, donc justement le monde virtuel de Cosmo et Rebirth. Par exemple, si je veux étudier, je sais pas, la migration des carpes, je vais pas le faire dans le monde réel parce que c'est chiant, faut sortir, faut prendre son ciré et tout, donc je vais aller dans le monde virtuel pour observer la migration des carpes. C'est chouette. Et donc, ce qui est intéressant, donc ce monde virtuel de l'ombre monde, c'est que, en fait, il est buggé. Il est pas. En fait, il En fait, manque les certains carpes, elles migrent pas. Non, Et c'est le pas bug, les bugs, en fait, c'est les PJ. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Miphos, on sait pas comment, il a pas connaissance de l'existence des PJ. En fait, la machine n'en a pas connaissance. Et en fait, le monde, l'ombre monde, c'est pas une copie exacte du monde réel. C'est une copie du, c'est le monde réel. Si les bugs n'avaient pas existé, si les PJ n'avaient pas existé. Et du coup, en fait, ça donne un avantage tactique et les PJ font partie de la résistance. Enfin, plus exactement, ils ont été repérés par la résistance, puis recrutés, puis on leur a bien bourré le mou, quoi. Hein. Et parce que, bah, vous comprenez, les gars, en fait, Miphos est incapable de prévoir ce que vous allez faire parce que vous n'existez pas dans son monde virtuel. Donc déjà, ça, c'est un truc vachement intéressant. Et le truc encore plus intéressant, c'est que en fait les PJ peuvent hacker l'ombre monde, c'est-à-dire qu'ils peuvent y aller pour faire aussi leur propre mission d'espionnage, mais en fait ils y vont pas en se connectant comme si tu te connectais dans un monde virtuel. Ils utilisent une armure, c'est l'armure de Repsiloïde, et en fait ils y vont vraiment, et en fait ils se matérialisent dans l'ombre monde, et ils peuvent faire des actions. Donc en plus il y a des trucs vachement marrants à la Portal. C'est par exemple, dans le monde réel, il y a telle forteresse, elle est en fait la sécurité est vachement renforcée parce qu'on sait qu'il y a les bugs et donc il faut s'en prémunir. Bah, c'est pas grave, les bugs ils passent dans l'ombre monde. Ils y passent physiquement, hein. Dans l'ombre monde, eh bien il n'y a pas cette forteresse, eh bien, comme il n'y a pas les bugs, la forteresse elle est beaucoup moins protégée. Et du coup, ils peuvent pénétrer dans la forteresse, dans l'ombre monde, et après, paf, ils rebasculent dans le monde réel, et bien, ça y est, ils sont dans la forteresse. Tiens, ça me fait penser justement dans le supplément des Féals, On a avec Nosgoth un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que comme Nosgoth, c'est l'ensemble des champs des possibles du passé, du futur et de ce qui ne s'est pas passé. Ouais, j'y pensais fort, ouais. Tu peux utiliser, il y a une possibilité qu'un jour il y a une porte dans ce mur-là. Donc tu te concentres, tu utilises et tu la matérialises dans le monde. Tu l'utilises et après, tu l'utilises plus, elle n'existe plus. Tu utilises des possibles qu'il y a eu ou des éléments ou un escalier qui a existé dans le passé mais qui n'existe plus maintenant ou qui existera dans le futur mais qui n'existe toujours pas. Et t'as un peu ce genre de jeu aussi, qui est un peu cheaté, je trouve, s'il est utilisé à outrance, mais qui peut être bien sympa. Ouais, après, la question, c'est comment... parce que je pense qu'au bout d'un moment, par exemple, dans Sens Renaissance, je pense que Miphos, s'il est pas idiot, il finit par comprendre que les bugs, ils font du tourisme dans son monde virtuel. Alors déjà, du coup, il forme des soldats dans ce monde virtuel qui sont spécialement entraînés pour contrer, en fait, pour péter la gueule aux PJ quand ils vont dans le monde virtuel, c'est les Quadriades Rebirth, hein, qui ont des propriétés extrêmement proches, en fait. Donc voilà, c'est l'ombre monde, ça ouvre des possibilités de jeu immenses. C'est clair. Bon, en plus, il y a des trucs vraiment paradoxaux, par exemple, il y a des tempêtes de réalité, je crois, mais je sais plus comment ça marche, mais rien que... Enfin, pour moi, c'est le truc le plus kiffant de Sens Renaissance, quoi. C'est vrai qu'en plus, décrit comme ça, ça... Ça donne envie. Ah, ça donne envie. Ouais. Il me semble qu'à Shadowrun, les contrées du rêve, ça fait que c'est un peu le bordel en Australie. Dans le background de la troisième édition, il me semble. Est-ce que t'avais autre chose sur ta liste au Père Noël, Antoine ? Non, sauf qu'elle revient à chaque fois que vous rajoutez des trucs, elle s'augmente. Donc, mais pour moi, je pense que c'est bon. Ok, bah du coup, on va embrayer sur Alex. Hein. Moi, j'ai une, un souhait, comment dire. C'est vraiment un jeu de rôle, comment dire, qui prendrait les concepts du film Inception et qui en ferait un jeu de rôle à part entière. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé, moi, quand je l'ai vu il y a de cela, ça fait déjà plusieurs années, 3 ans au moins, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, tout à fait, comment dire, c'est vraiment ce que j'attends, en fait, d'un jeu de rôle, c'est qu'il puisse justement être joué, comment dire, à plusieurs niveaux. Dans plusieurs à plusieurs niveaux, comment dire, d'intrigue et de dimensions de cette dans manière. Dans Inception, il y a les rêves dans le rêve, quoi, les rêves emboîtés. Voilà. Oh, ça y est, j'ai spoilé Inception. Voilà, c'est ah, mince. Voilà, je crois qu'à mon avis, plus grand monde va nous écouter. Là, c'est tellement. Spoilé. Bon, et sinon, donc Dark Vador est le père de Luke, hein, il faut le savoir. Ouh là là. Alors là, je crois que c'est fini. Non. Et donc voilà, moi, j'imaginerais bien justement peut-être un projet d'ailleurs futur de jeu ou même l'objet d'un scénario. Mais vraiment, ça pourrait faire, je pense, un jeu à part entière où on pourrait jouer donc une équipe justement de rêveurs avec chacun leur spécificité qui essayerait justement de hacker comme ça l'inconscient des individus dans un monde où justement on ne fait plus confiance à l'informatique parce que tout le monde parvient à pirater, comment dire, les données personnelles des autres. Le seul moyen, on va dire, ça serait justement de garder toutes ces données dans son esprit avec évidemment une discipline mentale et pourquoi pas une manière, on va dire, de protéger son esprit de manière symbolique avec des techniques, pourquoi pas, on peut imaginer des scènes, on va dire, où on apprend justement à défendre son esprit avec des techniques de psychologie, d'hypnose. Je pense que ça pourrait donner un très fort potentiel et donc jouer un peu à la manière d'un Shadowrun, mais dans une réalité onirique. Dans une ambiance de guerre froide, de choses comme ça, ouais. Voilà. Après, on pourrait même choisir à une époque justement à laquelle puisque la technique, on peut l'assimiler et même la transposer, on va dire, à n'importe quelle époque, on va dire contemporaine. Ouais, ou mettre fan même. Futuriste. Mettre fan, j'ai du mal. C'est vrai que ça colle assez mal de mon point de vue. Après, je pourrais peut-être me faire convaincre, me laisser convaincre, mais ça colle assez mal quand même au mettre fan, ce genre de choses. Ou alors, il faudrait vraiment trouver quelque chose d'assez spécifique. Système magique. Par exemple, ça s'y prête, ça se fait. Ouais, ouais. dans Influenza qui a un côté très très medfan hein, par aspect. Par exemple, il y a c'est dans un des exemples du jeu, il y a un moment en fait comment il y a un perso qui a besoin en fait il y a un perso, il y a un PJ qui est un poète. Et un autre PJ en fait veut séduire la reine et en fait il a besoin des poèmes de l'autre pour séduire la reine, mais en fait le poète refuse de lui donner parce qu'il s'est rendu compte que à chaque fois qu'on récitait un de ses poèmes, parce que c'était des poèmes qui puisent dans l'inconscient collectif justement, il y avait les arbres se mettaient à mourir quoi. Et donc il refuse et donc le PJ pour récupérer les poèmes va en fait dans les rêves. Il va dans les rêves du poète pour essayer de lui voler ses poèmes quoi. Et donc on a fait un grosso modo le bouquin de règles décrit un conflit qui se passe en fait dans le monde des rêves. En fait, on est dans les rêves du gars et les poèmes sont cachés dans les arbres en fait, dans des petits tiroirs qui sont dans les arbres et le mec essaye d'ouvrir les tiroirs. Donc en fait, c'est clairement une idée qui est piquée à Inception quoi et qui se gère très facilement. Bon après c'est à l'échelle d'un conflit, mais ça peut être géré aussi à l'échelle d'un scénar qui se gère facilement par la mécanique de conflit d'Influenza. Tiens, à propos de mécanique de conflit en utilisant l'onirisme et les émotions, il y a Bliss Stage où les Ouais, enfants utilisent complètement, des mechas dans un monde onirique contre des aliens qui viennent par le monde du rêve, justement. oui. C'est vrai. Il y a un super podcast de la cellule qui en parle, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, et ça colle bien aussi. Ouais, puis ils en parlent aussi là, assez longuement et de façon complémentaire dans Radio Rollis aussi, un podcast là-dessus. D'accord. T'as autre chose sur ta liste au Père Noël? Parce que moi j'en ai une longue comme ça. Hein. Non, non, Vas-y, mais vas-y, je te laisse la vas-y. parole. En fin de compte, moi, j'ai l'air peut-être d'être le plus satisfait dans l'histoire. J'arrive à me Ah bah, contenter il faut, non, il faut reconnaître qu'on a pléthore de choses Oui, voilà, déjà existantes. la Hein. Il y a création de quoi se gaver. même, la création en termes de jeux de rôle à notre époque est quand même assez pléthorique. Et c'est vrai que depuis ça fait ces 30 ans, comment dire, d'histoire quoi, du jeu de rôle. Donc, c'est clair que c'est dur maintenant de trouver un concept qui n'a pas été abordé. Par un jeu ou par plusieurs jeux même. Je pense que c'est plutôt un mélange de thématiques Voilà. intérieures à l'onirisme qui sont encore à tester. Je pense qu'il y a encore pas mal de mélanges nouveaux à faire, quoi. Tiens, dans le genre bizarrerie, toujours sur les féal, je suis un peu plongé dedans en ce moment, donc je suis désolé, mais il y a moyen de faire des bébés avec quelqu'un par l'esprit et que cet esprit-là soit indépendant après. C'est-à-dire qu'on fait Mais le. la personne, elle tombe vraiment enceinte si tu lui fais un bébé ou Alors son corps non, mais son esprit oui. Et le Et bébé après, l'esprit, il a une personnalité indépendante, quoi. non. C'est un PNJ, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. le Tout est faisceau lié. lyrique, là. C'est ça. Ça s'appelle l'Arnul, voire livre Ouais. de base sur les Taracées. De même que c'est vrai que c'est un classique de la sorcellerie d'engrosser quelqu'un par un rêve, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Enfin, d'engrosser quelqu'une, plutôt, on va dire. Quelqu'un aussi. Ouais, voilà. Tout est, ouais, c'est vrai que... Tout est possible. Avec la chirurgie et les moyens hormonaux dont on dispose aujourd'hui, c'est possible. donc, bah, ma liste au Père Noël. Vas-y. Bon, ah, je l'ai mis en premier. J'ai déjà expliqué en long, en large, mais du coup, je récapitule. C'est interaction réelle virtuelle. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. En plus, qui permet d'introduire ce que j'appelle le vertige logique. Moi, clairement, moi, quand je manipule ces thèmes-là, onirisme, drogue, réalité virtuelle, c'est pour aboutir à des vertiges logiques. Et donc, du coup, faut pas que ce qu'on fait dans le réel, dans le virtuel, ait aucune conséquence. On a l'exemple il y a une saison entière de la série Dallas, qui a été, qu'en fait, qui n'était qu'un rêve, quoi. Alors, il me C'était semble pour que justifier le je sais plus retour d'un pourquoi. perso. Ouais, les scénaristes étaient emmerdés parce qu'il s'est passé des trucs dans la série qui posaient problème, notamment tel personnage meurt, je crois, alors qu'en fait l'acteur revient dans la série. Et donc, effectivement, je crois que Sue Ellen se réveille au début de la saison d'après en disant, ah, en fait, toute la saison 8 n'était qu'un rêve. Voilà, vous pouvez tous l'oublier, servi à rien, quoi. Donc, ça, vous faites ça, vos joueurs, ils vous tuent. Enfin, clairement, il vous transforme en carpette, en trousse à dés. Enfin, voilà, on peut pas se permettre de faire des choses pareilles. C'est un bon sort, ça, Je crois je qu'à trouve ça bien. mon avis, il ne pardonnerait pas. Non. Non, Ah Là, non, tous les projectiles présents sur la table fuseraient sur l'écran. exactement. C'est pour ça qu'il, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut jouer avec un écran, à quoi qu'on en dise, l'écran, ouais, c'est... ça c'est... Un écran bétonné, ouais, genre ceux que White Wolf ont sorti pour leur reboot. La deuxième chose sur Maïs au Père Noël, c'est la confusion entre les réalités. Moi, un de mes films préférés, c'est Existence, de David Cronenberg. Où en fait les mecs se connectent dans une réalité virtuelle. Alors déjà à l'intérieur de la réalité virtuelle, ils peuvent se connecter à nouveau. Donc on a des réalités virtuelles gigognes. Mais voilà. En plus de ça, au bout d'un moment, parce que comme la réalité virtuelle, elle a pas mal de similitudes avec le monde réel, il y a un moment ils ne savent plus quoi. Ils ne savent plus où ils sont, qui ils sont. Ils savent plus du tout s'ils sont toujours dans la réalité virtuelle ou s'ils sont dans le monde réel, quoi. Et donc, vous imaginez la situation, quoi. On te plonge, tes PJ, tu plonges dans un rêve, tu réveilles, tu crois te réveiller, tu vas tuer ton ennemi, mais en fait, tu flingues quelqu'un en croyant que t'es dans un rêve, mais en fait, t'es réveillé, t'as vraiment flingué la personne. Je raconte pas les emmerdes sans fin. En fait, c'est vrai que c'est aussi l'un des premiers films à avoir abordé la thématique justement des souvenirs et aussi de ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, puisqu'il y a une interaction éminente, comment dire, entre ce qui se passe, on va dire, dans les souvenirs ou dans ce qu'il pense avoir vécu. On ne sait même plus, en fait, à la fin, même le spectateur est plongé dans l'expectative. C'est les derniers mots qu'il dit avant que le film se termine, c'est voilà, n'y pense pas, quoi. Ne pense pas que c'est un rêve. Voilà, c'est tout. On vit les événements présents, un point, c'est tout. Parce que ils en sont au point où ils ne savent même plus si ce qu'il a fait, s'il a bien libéré Mars, s'il l'a pas fait. Oh, encore un spoiler, mince. Voilà. Donc c'est vraiment c'est quelque chose. Et donc justement, d'ailleurs à ce propos, ça me faisait repenser justement à une scène où le psychologue, comment dire, le docteur entrait justement dans son esprit pour lui dire, comment dire, de sortir du rêve et qu'il matérialise ça par la prise d'une pilule. Et donc il dit, si jamais je vous tue dans le rêve, comment dire, ça fera rien. Et justement, il le tue et c'est là qu'il s'aperçoit que peut-être il lui a menti. Enfin bon, il y a tout un quiproquo justement par rapport à ça. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même, on va dire, au niveau de l'intrigue et au niveau des conséquences justement, comme on en parlait sur le réel, entre le réel et le virtuel, c'est quand même. Quelque chose de scénaristiquement en tout cas très très intéressant, parce que justement quelqu'un qu'on voit penser avoir tué, comment dire, dans notre rêve, qu'est-ce qui va se passer quand on va le rencontrer dans le réel, quoi? Est-ce que ça va nous rendre fou? Est-ce que ça va causer un traumatisme? On sait pas trop, quoi. C'est ouais, et surtout si tu t'es gouré, tu croyais que tu rêvais mais tu rêvais pas, t'as vraiment tué la personne, quoi. Voilà. Ou dans Influenza avec les Grégor, si tu tues quelqu'un dans un rêve, tu peux très bien aussi le tuer dans le monde réel, quoi. Le troisième truc que j'ai mis sur ma liste au Père Noël, c'est mélanger en fait mélanger l'onirisme, la drogue et la réalité virtuelle. Bon, c'est comme l'alcool et les médicaments, je ne conseille pas ça aux femmes enceintes, mais et aux enfants en bas âge. Par exemple, dans Matrix, pour se réveiller, faut quand même prendre une pilule, quoi. Pour accéder dans les contrées du rêve, généralement on y accède soit en étant un rêveur très puissant ou alors en se camant la gueule, quoi, avec des herbes qui viennent du plateau de Leng, sans doute coupées avec des trucs bien sales. Je pense qu'il y a vraiment on voit dans comment c'est si j'ai bien compris, Nosgoth dans les Féales, c'est une réalité virtuelle, c'est onirique, mais ça se comporte un petit peu comme des réalités virtuelles, quoi, où ça peut être, ou quand on utilise les contrées du rêve comme réseau social, c'est pareil, on commence à mélanger vraiment ces dimensions, le rêve, le trip sous substance, et puis les réalités virtuelles, quoi. Dans Existence, pour aller dans la réalité virtuelle, en fait, il faut se connecter le nombril avec une espèce de bestiole organique immonde. Là, c'est pas du tout une interface neurale comme on peut imaginer, quoi. Là, c'est pareil. C'est quelque chose qui me fait pas mal triper. Et inverse, et aussi, bah, y a des tonnes de parallèles à faire, effectivement, avec les voyages dans le temps, avec les mondes parallèles. On peut imaginer, je sais pas, par exemple, bah, tu vois, l'ombre monde, où les mecs font du, qui sert à observer le présent. Avec l'ombre monde, c'est marrant, c'est carrément un voyage dans le présent, hein, puisque les scientifiques qui étudient la migration des carpes dans le monde virtuel, ça me fait triper d'une force. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, des réalités virtuelles musées où tu peux explorer le Paris 1900 dans une réalité virtuelle super élaborée. Et du coup, tu peux avoir des intrigues là-dedans. On peut même imaginer que tu découvres que l'histoire n'est pas telle que... Ou bah, c'est pareil, les mondes parallèles. Apparemment, tu crois aller dans une réalité virtuelle, mais en fait, tu vas dans une autre dimension. Bah, je pense que dans Thor, il doit y avoir des trucs comme ça, quoi. Tout à fait. Il y a, en plus des cosmes, il y a aussi des réalités de poche et des dimensions, on va dire, proches qui existent au-delà de chaque cosme à part entière, de chaque réalité à part entière, et qui peuvent être, on peut y accéder par la magie, justement. Et c'est pareil, ça redonne un côté dangereux aux réalités virtuelles, parce que le problème des réalités virtuelles, le risque, c'est que ce soit sans enjeu. C'est-à-dire, ouais, j'y vais, mais je risque rien, parce que c'est un rêve. Et puis à la limite, ce que j'y fais ne sert à rien. Là, si à un moment tu ne sais plus si tu vas dans un rêve ou si tu vas dans une réelle dimension parallèle, tu vas commencer à faire un peu gaffe à ce que tu fais, quoi. Ah bah c'est le thème de beaucoup de aussi pareil de comics, de même de séries ou même de films. C'est justement voilà les réalités parallèles, comment elles interagissent l'une avec l'autre. Bah ça me fait penser par exemple au film bon qui est pas extraordinaire mais qui reprend cette idée, c'est The One avec Jet Li où Ah justement oui, il combat super comment dire film. ses doubles dans les réalités parallèles et son en fait à force de combattre son ennemi on va dire si je puis dire qui est le double de lui-même force de combattre comment dire les et de tuer comment dire les doubles de lui-même dans les réalités parallèles il devient de plus en plus puissant et il en arrive à devenir même surpuissant et à menacer complètement l'univers des réalités. Voilà, Ah, c'est donc c'est marrant, tu peux aussi imaginer du coup que les PJ utilisent ces mondes parallèles comme zone d'entraînement. Sauf que, et d'ailleurs je pense que là il y a des jeux comme GURPS, Infinite World qui permettent de le gérer. C'est assez marrant, enfin il y a un petit côté badass où tu dis ouais bah c'est bon, attends on va s'entraîner. Bah, imaginons, je dis n'importe quoi, tu joues des PJ genre 12 salopards, on doit aller buter Hitler quoi. Mais ce qu'on fait avant d'aller le buter, on va d'abord aller s'entraîner dans les mondes parallèles et tout. On va essayer de buter Hitler dans ta réalité parallèle pour se faire la main et tout. ça me fait penser d'ailleurs à un jeu qui était sorti chez Telsorian, les créateurs de Cyberpunk, c'est Dream Park, où justement là les gens jouent des spectateurs comme dire, d'un parc d'attractions où ils sont plongés comment dire dans une réalité virtuelle qui peut être aussi bien futuriste mais de fan et donc ils vivent vraiment dans un parc d'attractions voilà c'est une réalité virtuelle de parc d'attractions et donc ils incarnent un personnage de jeu de rôle d'une certaine manière ou de jeu vidéo qui va interagir dans un univers virtuel mais c'est du fun quoi c'est du divertissement. C'est ça qui Ouais, est toujours. jusqu'au jour où le jeu reste quand même où on est, on va dire, encore une forme de méta-jeu. C'est on joue à jouer, comment dire, des personnages qui sont eux-mêmes, on va dire, joueurs dans une réalité. C'est encore une mise en abîme, un jeu de rôle voilà, qui privilégie la mise en abîme. Ouais. Sinon, ce qui m'intéresse aussi, bon, j'en ai déjà amplement parlé, c'est la réalité virtuelle comme réseau social. Bon, c'est un truc qui me fait aussi beaucoup triper. Et ça, c'est en plus, c'est pour moi, c'est une problématique extrêmement contemporaine. On a par exemple le jeu Second Life, qui est vraiment ça, c'est une réalité virtuelle et un réseau social, quoi. Et c'est je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de SimCity mais en ligne. Hein. Et en fait, les mecs utilisent ça, ils ont leur avatar, ils se fabriquent des petites maisons dans une espèce de, ouais, une espèce de, comment, de réalité virtuelle, quoi. Et ils s'en servent comme réseau social. Ils font pas mal de rencontres par Second Life et tout. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, dans 10 ou 20 ans, quand les moteurs le permettront, que les réseaux, à mon avis, les réseaux sociaux les plus populaires, les Facebook, les Google Plus, enfin, de Google Plus du demain, ce sera en fait des réalités virtuelles, quoi. Ce sera des MMO, tout simplement, quoi. Là, je sais pas, je pense qu'on ira plus vers un système de réalité augmentée Je demande à voir, tant qu'on n'a pas d'interface synaptique, je suis perplexe sur le cyberespace de point de vue réel. On n'a pas eu le temps de parler de la réalité augmentée, mais c'est vrai que ça c'est vraiment génial, notamment dans l'idée de confondre le réel et le virtuel, dans le sens qu'on peut très bien te faire rencontrer des gens que tu crois réels, mais qui en fait c'est ta réalité augmentée qui est piratée, quoi. Ça se fait dans Eclipse Phase, c'est une piste proposée. Il y a aussi un truc qui me fait bien triper sur Shadowrun, c'est que tu peux porter toi une pauvre combinaison grise moulante moche, et tous tes potes ils vont voir le super costume trop classe que t'as parce que t'as uploadé ton skin. Ouais. Moi j'avais un perso hacker dans Shadowrun 4, il vivait en fait dans un hangar sans aucune fenêtre et tout, avec aucune déco, juste du béton brut. Et en fait, il se plaquait tous les jours un décor de rêve différent en réalité virtuelle, quoi. C'est chouette, ça c'est très chouette. En réalité augmentée. Oui, en réalité augmentée. Oui. Mais oui, parce que lui, il était dans la réalité quand il voyait ça. Ouais, tout à fait, ouais. Et pour la réalité augmentée nous servait aussi de réseau social. Par exemple, je me rappelle d'une scène à Shadowrun 4 où on va dans une boîte de nuit hyper bruyante, et en fait on cause comme s'il n'y avait aucun bruit ambiant par l'intermédiaire de la réalité augmentée, quoi. Ouais, tout à fait. Sinon, un autre point sur moi, ce qui me paraît important, et je pense que c'est dans le cahier des charges de pas mal de jeux qui traitent du thème. Pour moi, qui dit réalité virtuelle dit jeu à secret. Enfin, surtout qu'on est dans l'onirisme. C'est-à-dire qu'il y a forcément des révélations. Le monde onirique, il est forcément pas comme on l'imagine. Je pense que c'est le principe de Lacuna. Dans Lacuna, clairement, au début, tu sais pas grand-chose du monde onirique. Les mecs qui savent te mentent. Et de toute façon, ils savent pas tout. Ils jouent avec le feu. Alors après, dans Lacuna... Comme l'auteur de Lacuna est un gros bâtard, il explique pas tout non plus, donc c'est OMJ de se faire sa petite popote. Mais clairement, dans l'écriture d'un jeu sur l'onirisme, pour moi, il faut des secrets, et du coup, il faut trouver une façon de gérer ces secrets. Comment on amène les révélations? Est-ce que c'est les MJ qui les amènent, ou est-ce que c'est les joueurs, dans le cadre d'un jeu peut-être avec un partage des responsabilités un peu plus large? Après, je connais pas trop Lacuna, mais est-ce que justement le fait qu'il y ait des grands pans qui soient laissés, on va dire, à l'appréciation du MJ, c'est pas justement une manière de s'approprier mieux le jeu? Ça, ça pourrait être l'objet d'une. Bah, certains disent que l'auteur a eu la flemme d'écrire le BG. Mais ça peut être interprété comme tu le dis, Alex. C'était volontaire, voilà. En fait, c'était prévu. C'est vrai qu'après, dans l'autre sens, un jeu, on va dire, où tout est prévu, où tout est écrit, où tout est fait, on n'a plus rien à y faire d'une certaine manière. Donc, il faut savoir trouver quand même juste équilibre. C'est une réflexion que tu peux étendre à d'autres thèmes, effectivement. Antoine. Il y a par rapport au fait que quand on fait un jeu de rôle, quelque part, on est dans un univers virtuel. Il y a le fait que ce soit des choses qui soient proches de notre réalité, et des fois il y a juste un petit élément qui change, ou beaucoup d'éléments d'ailleurs, ça dépend. On sache pas trop la différence entre les deux. Moi je me suis émulé un site internet qui s'appelle la Fondation SCP, où il y a un certain nombre, c'est proche de notre réalité, il y a plein de choses qui déconnent dedans, et où on joue des membres de la Fondation, et on doit contrôler des choses horribles qui se passent. Il me semble qu'il y a un truc avec les Google Glass où tu joues dans ta ville, et en fait il y a une invasion zombie dans ta ville. C'était lié à ça, c'est un peu décorrélé, mais c'était lié à la même communauté, ouais. Ça c'est trip, hein, c'est marrant, tu vois, moi j'habite dans mon patelin à Remingol, je commence à me balader à Remingol, et puis tout d'un coup j'ai Google Glass et je vois des zombies qui commencent à débarquer. Mais ça c'est fait, ça te donne envie de courir plus souvent, quoi. Ouais, j'en ai besoin. Okay. Sinon, moi j'avais un autre point, c'est l'absurde en fait. À mon avis, il faut avoir une grande attention sur comment on gère l'absurde. Par exemple, dans l'histoire de fou, les cauchemars sont absurdes. Je crois qu'il appelle ça la métalogique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas tout à fait absurdes. Il y a une logique, mais il faut la comprendre. Alors le défaut que je trouve à Histoire de Fou, c'est qu'en fait c'est hyper balèze de comprendre la métalogique d'Histoire de Fou, ce qui fait que du coup en tant que perso, on a l'impression d'avoir aucune prise sur l'univers, quoi. Rien n'est logique. Les PNJ ont des réactions complètement illogiques. Le monde a des propriétés ultra bizarres et absolument inattendues. Alors c'est ce qu'on attend d'un monde onirique, qui est de l'absurde. Mais la question, et là moi je laisse la question ouverte, hein, parce que j'ai pas la réponse, c'est comment on gère cet absurde, comment on fait quand même pour que les joueurs ils aient une prise, qu'ils aient des clés de compréhension de cet univers virtuel, si on veut pas laisser toutes les clés dès le départ, bah comment on permet d'accéder. Enfin, est-ce qu'il y a un moyen quand même, est-ce qu'on laisse des moyens de comprendre la logique derrière tout ça, ou est-ce qu'on est vraiment dans l'ambiance, c'est-à-dire que le monde est absurde, what the fuck, le monde est absurde et ça va rester comme ça, vous comprendrez jamais pourquoi les gens ils marchent sur la tête dans ce monde-là, pourquoi les corbeaux parlent et tout, c'est comme ça, basta, vous devez l'accepter. Donc là, c'est vraiment à l'auteur ou au scénariste de trouver son camp entre les deux extrêmes, quoi. Surtout que là, ce point que tu abordes, je trouve moi en tout cas qu'un rêve est rarement absurde. On reste quand même dans quelque chose. Bah, c'est pas dans ma Dans tête, quelque hein. chose. En tout cas, de mon point de vue, il y a quand même une logique, en tout cas quelque chose qui se suit et qui se comprend. On va dire, il y a rien, comment dire. Après, les choses qui vont se passer vont nous sembler, comment dire. Le mot absurde n'est pas correct, je pense. On va dire, ça va être inattendu, peut-être, à la limite surprenant, ou du moins, on s'attendait pas vraiment pas à ce genre d'action, on va dire de ce qu'on va voir dans notre rêve. Faut On pas oublier s'attendait qu'on est pas à dans ce un genre de film, quoi. situation, puisqu'en fait le rêve, là on revient en fait au phénomène physiologique, c'est qu'une recomposition du réel aussi. C'est une forme d'imagination d'une certaine manière. Donc, c'est jamais réellement absurde. L'absurde, c'est la négation même, on va dire, de la logique. C'est la négation du sens. Bah, Donc, on va dire que c'est une logique floue, quoi. voilà. Logique floue à la limite. Bon, parce qu'on la comprend pas, ça va nous sembler complètement abscon. Voilà, peut-être plus incompréhensible, mais pas forcément absurde. L'absurde, c'est vraiment prendre la réalité à contre-pied. C'est vraiment voilà, c'est presque un genre comique, quoi, d'une certaine manière. J'ai rarement vu des rêves comiques, ou du moins, on va dire qu'ils n'ont pas de sens du tout. Voilà. Ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il faut pas oublier sur un podcast game design, hein, le but du podcast, enfin, je pense qu'on l'a compris, c'était pas de faire un état de l'art de ce qu'a sur les réalités virtuelles dans la fiction, quoi. En fait, je m'en fous des fictions linéaires, je m'en fous de ce qui se passe dans les films, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on met ça dans une fiction non linéaire et comment on fait réagir les joueurs par rapport à ça. C'est-à-dire, si dans tu décris un univers virtuel, et où en fait les joueurs ne comprennent pas la logique du truc, et il y en a peut-être pas, parce qu'en tant que MJ, ça se trouve, t'improvises au fur et à mesure des trucs débiles que tu sors de ton chapeau, et en fait tu réfléchis pas à trouver un lien, quoi. Comment vont réagir tes joueurs? Est-ce qu'il y a un moment ils vont pas trouver ça antiludique, tu vois? D'ailleurs, bah ouais, mais t'es Oui, gentil, il là faut. je maîtrise Si rien, de toute comment façon tu tu vas le avoir? décris de manière antiludique à tes joueurs, c'est déjà une erreur en soi en tant que MJ. Bah, c'est Là, un équilibre à trouver, quoi. c'est le MJ qui, d'une certaine manière, ne respecte pas les règles du méta-jeu, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est présenter un univers plus ou moins cohérent quand même. Bah, je pense qu'il y a une part, en fait, dans le monde onirique, je pense qu'il y a une part de ce que j'appelle le tourisme virtuel. C'est-à-dire que tu peux te laisser à un certain moment décrire des trucs vraiment zarbi, et les joueurs ils vont apprécier, mais en fait c'est du pur tourisme. C'est-à-dire qu'ils apprécient, voilà, il se passe des trucs zarbi, et les joueurs, voilà, ils apprécient l'ambiance, quoi. Mais il y a Voilà, aussi un je moment où il puisse faut que tu être témoin. reviennes dans le ludique. C'est-à-dire que, ouais, ok, mais vous avez un objectif, vous avez des trucs à faire, comment vous y prenez, et donc laisser quand même des possibilités d'interaction réelle avec le monde, de comprendre le monde, d'agir dessus. Et une dernière chose que je voulais aborder, c'est marrant, on l'a pas beaucoup abordé, mais parce que c'est... Il y a un moment, j'ai exploité l'idée, par exemple, que en jouant la méthode du docteur Chastel, on pouvait devenir un harceleur qui squatte l'intracos, par exemple, d'une personne qu'on aime, quoi. Genre, ah ouais, ça, cette super nana qu'on a soignée, moi, j'ai gardé, entre guillemets, ses codes, et puis la nuit prochaine, je vais aller squatter ses rêves érotiques, quoi. Ce qui, moi, pour moi, l'onirisme. Pas des vilains MJ. Voilà, voilà. Enfin, là, c'est plutôt les vilains PJ, quoi. C'est le PJ qui pourrait avoir cette idée-là. Moi, ce qui me paraît cool, quand on traite ces thèmes-là, c'est de sortir de la zone de confort. C'est-à-dire que pour moi, il y a grave moyen d'aller vers des problématiques adultes, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de cul, on va pouvoir parler de mort, on va pouvoir parler de traumatisme. Voilà, c'est des cauchemars. Enfin, on va pouvoir explorer les zones sombres de l'inconscient des PJ et bah, surtout, effectivement, sortir les joueurs de leur zone de confort, quoi. Pour moi, les jeux sur l'onirisme qui m'intéressent, ils m'intéressent si on y joue avec la démarche sociale, je ne t'abandonnerai pas. C'est-à-dire qu'on part du principe, on est entre adultes consentants, on fait gaffe à ce que personne soit ridicule quand il commence à se mettre à nu en décrivant des choses un petit peu borderline. On s'accompagne, on se tient la main, mais on n'hésite quand même pas à sortir de nos zones de confort et à aller vers des choses. Voilà quoi, je veux dire. C'est vrai que ça définit un contrat, on va dire, social, un peu plus élevé. Mais il y a le risque, quoi, le risque, comment dire, qu'on tombe, on va dire, dans les choses, on va dire, relatives à la psychologie et à la psychanalyse, un peu, on va dire, c'est dérangeant, quoi. C'est très dérangeant. Parce que c'est vrai qu'on aborde des thèmes qui, d'une certaine manière, voilà, font référence un peu à des tabous inconscients et bien ancrés, comment dire, de l'humain, quoi. Donc, oui. Il y a des choses, par exemple, si le MJ sort à une nana, bah écoute, dans le monde du rêve, tu t'es fait mettre enceinte par un esprit, ton perso va tomber enceinte dans le monde réel. Là, clairement, c'est le truc que je déconseillerais absolument à faire sans contrat social parce que c'est du machisme rôliste de base. Donc, ce genre de choses, si on veut les aborder, il faut les aborder avec un contrat social béton et effectivement entre joueurs adultes. Et si on le fait, c'est pour amener aussi des choses importantes. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment on peut gérer un personnage, par exemple, qui a été mis enceinte dans le monde virtuel et tout. Comment elle va gérer ça? Mais il faut le gérer entre adultes, quoi. C'est qu'il faut pas que ce soit un motif de moquerie ou de sexisme ou de choses comme ça, quoi. Ou trop mal. C'est le cas pour n'importe quel élément de jeu, ça. Ouais, bien sûr. Ajouter, d'accord, mais dès que faire qu'apporter à l'histoire ou au personnage. Ouais, tout à fait, mais quand tu touches à des choses qui sont borderline, que ce soit la sexualité, les traumatismes, la violence, ou genre, je sais pas, la violence faite aux enfants, il faut le faire en prenant quand même des précautions au préalable. Et un jeu qui en parlerait doit prendre des précautions, quoi. Ça veut pas dire que le jeu doit se censurer, je pense. Il y a une chose entre la censure et les précautions de type contrat social, quoi. Disons que Cult, à sa sortie, on avait fait un petit peu justement par rapport à cela, parce qu'il abordait des thèmes exclusivement et essentiellement tabous, un peu les fameux tampons interdits aux moins de 16 ans, voilà. Et qui n'avait aucune valeur légale, alors que pourtant, bon, voilà, c'est. Bah, en fait, c'est un contrat social, ce tampon interdit aux moins de 16 ans. Il est rudimentaire, très très rudimentaire, mais c'en est un, en fait. Oui, mais il n'avait pas de réelle valeur, quoi. En tout cas, pas de valeur juridique, en tout cas. Mais en fait, je m'en moque de la valeur juridique. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur ludique de cet avertissement. Si tu présentes à tes joueurs comme étant interdit aux moins de 16 ans, eh ben, tu t'avertis qu'on va y jouer entre personnes averties, quoi. Oui, mais pourtant, peut y avoir des personnes qui ont 14, 15 ans et qui seront beaucoup plus matures sur certains sujets. Oui, tout à fait, ouais. Et qui pourront jouer à Cult sans pour autant, on va dire, devenir des déviants ou voilà. Et alors que des gens qui auront, même qui seront adultes, qui auront peut-être une quarantaine d'années, ne le supporteront pas. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un contrat social rudimentaire, c'est limite le point zéro du contrat social, il y a beaucoup mieux, quoi. Bon, comme la démarche je ne t'abandonnerai pas, que j'aime bien. Il y a aussi les lignes et les voiles, c'est où là, justement, les lignes et les voiles, on propose une censure dès le départ, quoi. Par exemple, dire, bah, non, en fait, on parlera pas de cul, quoi. J'ai pas envie qu'on parle de cul, on en parlera pas. Ou alors, ce sera juste évoqué. Disons que c'est vrai que c'est pas le sujet le plus facile à aborder dans les GDR, parce que généralement, c'est très souvent mal à l'aise. Enfin, franchement, si tu fais de l'onirisme, il faut faire du cul, hein, c'est obligatoire. Je pense que ça mérite un peu de érotique, quoi. C'est quand même pas vrai non plus. Voilà, la plupart des rêves ne sont pas érotiques. C'est pareil, t'es pas dans ma tête. Oui, là, c'est bon. M'avance peut-être un peu trop. Je ne sais pas ce qu'il y a en effet dans la tête des gens. C'est peut-être justement là où il y a quelque chose à faire, justement. C'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens et ça. C'est pour ça que le thème est fascinant. Et c'est pour ça qu'on peut faire du jeu de rôle, justement. On ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête et ce qui se passe dans leur tête quand on leur décrit une scène, par exemple. C'est chacun, en fait, crée sa propre réalité virtuelle autour de la table de jeu, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais je pense que c'est un sujet à part. Enfin, à part. C'est, que ce soit d'un point de vue onirique ou d'un point de vue courant dans le jeu de rôle, les thèmes particulièrement adultes, c'est quelque chose de bien compliqué. C'est vraiment le, on va dire, l'expérience du MJ qui va jauger si oui ou non le joueur est prêt, comment dire, et va suivre, comment dire, l'expérience. Et ça, c'est vrai. À titre personnel, je trouve ça absolument fascinant. Quand je peux le faire, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est tendu et c'est loin d'être évident, il me semble. De mon point de vue, le petit MJ. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, pour conclure là-dessus, c'est que souvent je trouve quand même que le thème de l'onirisme et la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui sort les joueurs un petit peu de leur zone de confort ludique. Et donc du coup, c'est très tentant. En plus de parler, effectivement, je mets peut-être beaucoup de symbolique freudienne là-dedans, c'est possible, mais c'est très tentant justement de passer à l'étape supérieure en disant, bah puisqu'on joue avec notre zone de confort, justement, est-ce qu'on va pas aborder des thèmes plus adultes? Oui. Mais bon, toujours encore une fois, en prenant les précautions nécessaires. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je dirais juste, on va dire, pour prendre un peu le contre-pied, est-ce que c'est nécessaire justement de passer par l'onirisme pour aborder ces thèmes plus adultes, plus matures? C'est une ouverture d'une certaine manière. Ouais, et puis quelque part, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui se passe dans le monde des rêves a moins de conséquences, bien que ça en ait, dans la réalité du jeu que ce qui se passe dans la réalité du jeu. Des fois, c'est vrai que ça peut tamponner, truc tout bête, imaginons les persos à Shadowrun qui ont couché ensemble, mais juste dans la matrice, quoi. Ils n'ont pas vraiment fait en vrai, tu vois. C'est ça. Sauf que ce sera partagé par des millions de vues sur Internet. Mais est-ce qu'on a besoin justement d'aborder le thème du rêve pour que les joueurs se lâchent, entre guillemets? Je pense que même... Est-ce qu'on a besoin d'être endormi pour se foutre à poil? Je ne sais pas. Ouais. non, c'est voilà quoi. Est-ce que les joueurs se lâchent pas déjà rien qu'en leur faisant la proposition de faire un jeu de rôle tout bonnement? Voilà. Et que donc, certaines choses, justement, est-ce que c'est le... Ça dépend des joueurs, bien sûr. Justement, que de s'affranchir, on va dire, de son train-train pour vivre des belles aventures. C'est déjà, je pense que déjà dans le concept même du jeu de rôle, il y a déjà cette idée. Alors est-ce qu'on a besoin encore en plus d'une strate supplémentaire et donc de rentrer dans un jeu dans le jeu? Jeu de rôle-ception. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est un petit pied de nez, mais bon, c'est la réflexion nous a d'une certaine manière amené à ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, bah voilà, de toute façon, si je vais laisser conclure. Oui. Voilà, là, en fait, tout ce qui est onirisme, réalité virtuelle et drogue, dans le jeu de rôle, bah, ça nous plonge entre le vertige logique, la mise en abîme. On joue aussi avec notre zone de confort. Hein, c'est quelque chose qui propose. Qu'à mon avis, il y a des applications ludiques immenses qui ont déjà été vachement exploitées par le passé dans tout un tas de jeux. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est vraiment un terrain de jeu fascinant. Et donc voilà, j'espère que cette petite réflexion aura apporté quelques grains à moudre sur le sujet. Et puis donc, je propose de vous retrouver tous prochainement pour de nouvelles aventures de game design. Ça marche. Au revoir. Salut tout le monde. Ciao. Merci.